Ah yes, on va pouvoir dire la phrase. Ah bah comme on se disait hors antenne. Je vais la caler un moment, je vais le dire. Non. Non, mais du coup, ouais. Quoi là, c'est quoi les Oreos? Je sais pas, ouais, ouais. Comme on se disait en antenne, j'aime bien les Oreos. Voilà, c'est très intéressant en tout cas. Ouais. Lourd. Ok, vous êtes prêts? Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Kids, motherfucker. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Powercast incroyable, oh saison là 4, là. Épisode 1. Coucou Jules, comment oh ça va là depuis là tout ce temps? Mec, ça fait si longtemps. Ça fait... Mec, on se voyait plus en plus du coup. 5 ans. On se voit que ressenti. Pour les Powercast. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ressenti 5 ans, ouais, tout à fait. Je t'entends pas très fort Jules. Donc, Bon écoute, voilà, non non mais parle avec si, ta vraie si voix faut que podcast. Je m'impose, je m'impose. En voilà, fait. Merci. Bon. Le alors quoi de neuf Jules? Bah écoute, on va en parler plus tard, mais ouais. L'actu la plus imminente, c'est un voyage avec un de nos invités okay. qui est présent. Il s'agit de Théo Sans la Ville. Bonjour voilà, Théo. Bonjour. Ouais, ouais. Salut les gars, ça va ou quoi? Bah ça va bien. Écoute, j'ai dormi 2 heures. Je suis. parce que toi tu travailles, t'as quelqu'un ouais, d'actif et pour moi la France. C'était juste pour. Bon. Ouais. Allez. et ben, en tout cas, Jules et Théo du célèbre groupe Whist. Hein yes. On les présente plus. Ah non, attends. Toi, Théo, t'étais déjà venu la dernière fois pour nous parler du groupe Deep Marys. Exactement. Tu fais partie de deux groupes. Comment ouais, tu fais ouais. déjà? Première question. Bon, alors déjà. On va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis au chômage. Voilà. Ça aide. Ça aide. Ça. C'est fait. Effectivement, j'étais déjà présent. C'était quelle saison? Quel épisode? Je ne sais plus. Saison 3. Non, saison 3. Oui. Mais épisode 1. C'était possible, ouais. On peut ouais. Être. Épisode 1 ou bon, épisode 0. À qui se roule Iglesias. Ouais. Quoi qu'il en soit, j'ai réécouté cet épisode et vraiment, bon, un hurleur. Donc, cette tu fois-ci, feras un peu plus gaffe, voilà, tu je vais un peu le pied. Essayer de, voilà, voilà, de canaliser. Non, mais franchement, ça me mon fait énergie. Que tu sois là et que tu hurles, il y a pas de souci. Ok, c'est super. Ça il fallait pas monde. Me le dire deux fois. Pour mieux vous connaître, même si on te connaissait déjà un peu, Théo, de la dernière fois, on a des questions. C'est la question pour mieux connaître nos invités grâce à maquestion.com, qui est un super site. Hein, je vous conseille d'aller voir. Ah super. C'est un site qui regroupe en gros 200 questions pour mieux apprendre à connaître quelqu'un. Donc, formidable. On a pioché dedans. Excellent. Et donc, on va commencer par qui, Jules? Tu veux commencer par. Par lui, là. Ouais. Par l'autre. Alors, Jules. C'est ça. Le ça problème, va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que, comment vous différenciez les deux Jules là? Appelez-moi Jules. Jules et Jules. Ouais. Je suis pas sûr qu'on le tienne sur pendant deux Jules, heures, le coup, standard. Ouais. Ouais, pendant deux heures, ça va être long. Ouais. Mais, bon, on verra. On dira peut-être que Jules. Ouais, mais ça va. Il oui. y en a un qui réalise des vidéos. Donc, du coup, ça va. Ouais. C'est pour vous différencier, c'est bien. Il y en a un qui a un bandeur de queumard. Ouais. Ah, ah. Ça c'est. Ah. C'est moi. C'est... Hein? C'est lequel? On est c'est bandeur. Ah, t'es bandeur? Non, je suis là. Alors. Bon. Ça dépend. Consommateur, mais. Consommateur. Il y en a un qui aime bien j'ai la chaud. Musique. J'ai chaud. Ah, je cherche quelque chose pour. Mais les deux aiment bien la musique. Non, mais semble. Attendez, merde. Qui bande en ce moment même? Non, mais. Oula. Oula. Moi bon, j'ai chaud, j'ai juste chaud. Alors la question. Moi je bande. Je te le dis dans les yeux. Voilà. Il est en face de moi hein, pour, c'est les, très gênant, ouais. pour les auditeurs là, il est vraiment c'était un regard assez c'était profond, assez intense ouais. Jules, donc ta question pour mieux te connaître c'est alors quelle mode ou tendance espères-tu voir revenir? Revenir carrément. En plus c'est bien parce que ça a un peu un rapport avec le thème, on en a même pas parlé encore du thème mais on en parle tout à l'heure, on le spoil pas tout de suite, hein. On se le garde. Mystère. Ouais, putain, oh là là, le fil de presque, cette émission. C'est non, presque un suspense, il y a un suspense. Magnifique. T'aurais presque bossé ta transition. Bah, on est à saison 4 maintenant, ah ouais, fais gaffe. Hein. Non, en vrai là comme ça, je saurais pas vraiment te dire parce que je suis pas quelqu'un de très nostalgique. Ok. Il y a des trucs que je kiffe mais il y a des... Il y a des gens que je vais appeler les bandeurs des années 80. Décidément, énormément de bandeurs dans cette attends. Émission. Par exemple, que et je suis pas. Là en mode, bah par exemple, ouais. voilà, je vois pas trop. Et en fait, même, je trouve que, enfin, c'est bien que toutes les choses évoluent à chaque fois. Et genre, si on est là maintenant dans ce que ce soit la mode, les trends, enfin, dans la musique, dans les vidéos et tout ça, c'est parce qu'il y a eu des choses avant. Mais de là à les faire revenir ouais. tel quel, enfin, je vois pas trop l'intérêt. C'est. Que ça nous ait construit et que ça ait amené à ce qu'on soit maintenant, c'est cool, mais je suis pas trop. Moi, ouais, je suis pas nostalgique okay. au point de vouloir que. Donc, très bonne question, voilà. parce que du coup. On a bien fait de la poser. Ah, voilà. Non, mais du coup, par contre, dans Whist, vous faites quoi comme style, vous? Parce que j'ai écouté un peu, mais. Bah, c'est assez difficile de. on n'arrive pas trop à se définir, même nous. Enfin, on dit qu'on fait du whist. Oh, les artistes. Non, mais non. Alors, non, en vrai, genre, c'est... On fait de l'art avant tout. 40 groupes, ils vont tous rock, te dire ça. Bah, oui, c'est sûr. C'est trop dur de se mettre dans des cases. Non, évidemment. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est du whist ce qu'on fait, okay. Parce que ça reste un mélange de plein d'influences différentes. Bah, c'est ce que j'avais demandé. T'as des influences un peu, ouais. Ouais, par exemple, le ska, le reggae, au maximum. Énormément. Voilà. Non, non, mais en fait. J'adore les dreads. on aime bien le rock, on aime bien les guitares électriques, la batterie, okay. Tout ça. On aime aussi beaucoup les musiques actuelles, tous les mouvements plus hip-hop, rap, etc. Et du coup, on essaye de mélanger ça comme on peut pour avoir un résultat qui nous convient et qui mélange toutes vos influences. C'est ça, en fait, c'est ça. Et juste où on se dit, putain, bah, en fait, c'est juste qu'il y a tellement de styles qu'on aime, mais qui se mélangent pas, et on se dit, ça serait cool. Enfin, nous, ce qui nous manque, en fait, c'est ça. C'est quand je vais écouter sur Spotify des artistes, il y en a peu qui font autant de mélanges. Il okay. y en a. Et ils font déjà bien plaisir. Mais c'est vrai que du coup, on crée des musiques qu'on aimerait pouvoir écouter parce que... Ouais. Voilà, ça. Ok. Okay. Bon. Je suis toujours en érection. Hein. Ouais, et j'ai toujours très chaud. De l'érection. Je vais enlever mon pull. Hein, désolé pour ton genou. Ah là là. Ok, Théo, quel est l'endroit fictif où tu aimerais le plus aller? Un endroit fictif. Fictif, ouais. Ouais. Oh, c'est tellement pas original, je suis désolé, c'est... mais vraiment en Poudlard en fait. Franchement, j'ai pensé pareil. Ouais. Les possibilités infinies. Hogwarts Legacy en février. Let's go. Ok, ouais. Tous les moldus, vous allez pouvoir vivre le rêve. Levez les bras. Ouais, on est là. Les moldus dans la salle. Ouais, attention parce que J.K. Rowling est cancel quand même, hein, faut le dire. Ah là là. Putain. Evelyn. Prends ça. Il hésite pas. Tu es sûr de la bien-pensance. C'est moi la bien-pensance aujourd'hui. Il a tous ses doigts pointés. Voilà. T'es quelle maison? Moi je suis pouf souffle. Ah, bah désolé les gars, je suis Gryffondor. Oh ouais, là, j'ai fait le test et j'aurais oui, je suis Gryffondor. J'aurais dû vu tes vêtements, mais ok, t'es Gryffondor. Ouais, maison écoute, du courage. Désolé, vous êtes pouf souffle, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ouvrez les fenêtres s'il vous plaît déjà pour commencer. Je te signale que pouf souffle pour ouvrir leur chambre commune, pouf souffle. Il faut qu'il tape sur des tonneaux et c'est vraiment un truc d'artiste. C'est vraiment du reggae. Voilà, les Sarwell. Il faut qu'il fasse tourner des bolasses. Ça sent le Sarwell. Aïe. Oh mon dieu. Ouais. En tout cas c'est pas dans les films ça par contre. Non, c'est pas dans les films. C'est pas dans les films. Enlevé, ouais. C'est dans les scènes coupées, ouais, c'est dans les scènes coupées. Quand t'as le DVD, tu l'as la scène. C'est même dans les Animaux Fantastiques, tu vois, ils auraient pu faire une petite scène mais c'est dommage, ils l'ont pas fait quoi. Attends, on voit aucun pouf souffle en fait dans Harry Potter. Ah si, Cédric Diggory. Et puis dans les Animaux Fantastiques, c'est il meurt. Mais meurt dans les Animaux Fantastiques, il est pouf souffle. Ouais. Oui, est-ce que tu veux qu'on retourne la question aux autres ou on enchaîne? C'est-à-dire retourner la question aux autres? Ah, que Théo, quel mode il aimerait revoir? T'en as une? Ah. Vas-y. Est-ce que t'as une mode, toi? On a du temps. Oui, ouais, de fou, grave. Je pense, très sincèrement, que une mode, bah, justement, des années 2000, bon. Sans rien, bon, j'ai ça va être problématique. Non, t'as rien spoilé du tout, on a rien dit. Ok, c'est super alors, nickel. Ça fait une très belle transition après, que, donc c'est nickel. Je repensais à cette pub Vivez le Dop avec son mec, ce mec, pardon, avec son skate, tu vois, qui passe comme ça et qui raye les murs. Fixation béton. Ah, petit béton, ouais. Ça c'était fou. Et j'avais les cheveux comme ça, moi. Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ah bah oui, c'est vrai. Oui. Bah, j'ai essayé, un fiasco pour ma part. Les murs ne se rayaient pas du tout. Mais je me dis ça, ce serait incroyable. Le gel dans les cheveux, du coup, ça c'est un truc. Et en vrai, je pense que ça a de l'avenir, je pense que ça peut revenir. Avec la longueur tes cheveux actuels. Ah oula, ce serait incroyable. Wow. Vous vous rappelez de ce groupe Static X? C'était un Static Shock, le dessin animé. Ah putain, un Static Shock, excellent dessin animé. Je m'en rappelais pas. Aucune ref ici pour l'instant. Aucun des deux. Et oui, d'ailleurs. Trop bien, je vais retourner voir. C'était trop cool. Donc Static X. Je pense que c'est le seul dessin animé des années 2000 dont je me rappelle comme ça, avec le héros principal de couleur. Comme ça, j'en ai pas d'autres, mais dessin animé. Hein. Ouais, bref, en tout cas, oui, Static X, c'était bon, un groupe. Le chanteur qui est mort, je crois, avait les cheveux vraiment très très longs, comme tout, tu vois, ton métalleux de base, mais ils étaient pointés en l'air avec du gel. Voilà. Ah oui, ça c'est fort. Genre, Eurythmics, non? Attends, c'était qui la chanteuse de Eurythmics? Oui, je crois. Comme ça. Ouais. Je sais plus. Le mec dans Slipknot qui a le masque avec tous les pics aussi. Oh. Ça fait penser à ça. Après, les vrais punks qui se mettent des œufs et de la bière dans les cheveux pour faire du gel. Hein. Ouais. Pas besoin de ces trucs. Ça, point punk, commun avec le reggae. Voilà. Ça aussi. Mais pas forcément exprès. Une question sur quelle traîne je voudrais pas voir revenir. Bah, celle-ci, par exemple. Les cheveux souillés, pas ouf. Mais si c'est du gel, ça va. Ok, ouais. Non, ça, bah, de toute façon, voilà. Ça reviendra sûrement. Hein. Les modes, ça revient. Ça repart et ça revient. C'est cyclique. Tout à fait. Ça, ouais. Et toi, Jules, l'endroit fictif où t'aimerais aller Bah, en vrai, là, je suis. Voilà, je vais me rapprocher du micro. En ce moment, je suis en train de remater, en train de faire découvrir à ma copine l'univers du Seigneur des Anneaux. Ok. Donc, on s'est maté les trois Seigneurs des Anneaux, c'était un plaisir. Là, on est en train de mater le Hobbit, c'est moins bien. Le 1 est catastrophique. Je trouve que c'est le mieux des 3, moi. Ah ouais, il est long. Oh, ah bah putain, le 3. Alors, le 2, en fait, finalement, par rapport au 1, le 2 est pas si mal. Après, le 3, bah, on l'a pas encore revu. Et okay. On va voir, hein, mais je pense que ça va être terrible. Tu aimerais être en terre du milieu. Mais ouais, bah, surtout aussi, là, avec la série Les Anneaux de Pouvoir, ouais. Où tu découvres un peu plus aussi avant la série. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais, c'est franchement, c'est, ouais, ils ont vraiment fait quelque chose de pas trop mal. J'adore Jeff Bezos. C'est faux, évidemment. Non, mais. Et vas-y, que ça joue dedans en plus. Voilà. Ouais. Non, mais. Mais voilà, en fait, c'est vrai que c'est un endroit qui est très très cool. Okay. Et imaginez être pote avec Gandalf. Quand même. Là, tu passes des bonnes soirées. Franchement, là. Ouais. Mon pote, 100% il fait des formes avec sa pipe, là. Non, mais ouais. Attends, mais l'herbe à pipe des Hobbits, apparemment, qui a l'air superbe aussi. Hein. Ouais, franchement, c'est un truc, ça fait un peu. Voilà, ouais. C'est des bons vivants. Jeff Bezos. Allez, voilà. Wow. Le titre de l'émission. Ouais. Personnellement, je suis venu pour ces blagues-là. Hein. Ah bah oui, mais moi j'ai regardé le dessin animé Lord of the Rings, là, la version vieille animée, moitié filmée et grimée, et c'est terrible en vrai. Ah ouais. Et ça se finit, parce que devait y avoir une partie 2, il n'y en a pas, ça se finit sur Gouffre de Helm, ils gagnent, et après ils disent, et ils repoussèrent les forces du mal, machin, et en fait Frodon n'a absolument pas rapporté le nom à la montagne du destin. Et on le voit pas faire ça, en quoi. Tout cas. Wow. Non, ouais, il le dit peut-être, non, il dit quand même qu'il est... Je me rappelle même plus. Il l'explique même pas en plus, ouais, d'accord. C'est ultra de budget, long. J'imagine en réunion d'écriture. Bon, les gars, on a plus de thunes. Faut conclure. Le mec a fait un plan, il fait un énorme trait rouge au milieu. Ça, on peut arriver là. Voilà. On est encore un peu loin. Merde. En fait, on a pas la thune. On a aucune audience. Notre série a flopé. C'est de la merde. Allez. On va passer au premier jeu, au seul jeu d'ailleurs de cette émission. Oh, désolé, on a qu'un jeu. Non, mais si, c'est super. Juste pour se mettre un peu en jambes. Avec plaisir. Le but de ce jeu, c'est de deviner quelle star porte ce nom civil. Voilà, parce qu'il y a des stars en fait qu'on a c'est pseudo, incroyable s'il la colle. Ouais. Pardon, vas-y. Mbappé ? Non, c'est littéralement son prénom. Kylian Mbappé, oui, c'est son nom. Ouais, je vais pas vérifier, mais. Oui. Son surnom c'est Kix. Et ça, donc vous avez compris le principe, je vous dis un nom et il faut me dire quelle star. Ok. Alors, qui est Juan Moreno y Herrera Jiménez ? C'est Ricky Martin. Non. Alors là, c'est. Alors la réponse est dans le nom. Oui, bien sûr. D'accord. Mais en vrai, si je peux vous donner un indice, en fait, si vous écoutez bien tout ce que je dis dans ce. Vas-y, nom, redis-le. Le nom, enfin, il a pris des petits bouts dedans. Ton accent est parfait en plus, donc du coup, j'ai fait espagnol LB2, ça s'entend. Attends, j'ai une piste. Vas-y, redis le nom. Juan Moreno y Herrera. Ah non. Jiménez. Parce que je disais Juan Moreno, Jean-Marie Le Pen, peut-être. Tu vois, si tu reprends chaque première lettre. Bon, pour Jean, t'es bon. Si je peux vous donner un indice. Ok, encore. Ok. Bel indice. C'est un très bel indice. Bah, c'est con parce que je pouvais penser à Antonio Banderas du coup, mais. Non. Ah, raté, visiblement. Jean. Wow. Mais vous pouvez te poser des questions. Javier Bardem Non. Si vous voulez. Est-ce que c'est un chanteur? Non. C'est un sportif. Non plus. C'est un acteur. Un acteur à succès. Un acteur à succès. Ok. Et on le connaît en France. Enfin, il est. Moi, je croyais qu'il était français en tout cas. Il a un nom qui sonne français avec son pseudo. C'est. Ah. C'est pour ça. Son pseudo sonne français. Bah déjà il s'appelle Jean. Et ah oui d'accord. Oui donc après. Oui, je pensais à Rulo Iglesias mais j'ai complètement pas écouté. Non. Mais. Non. Et il a joué dans des trucs récemment ou s'il est plutôt vieux comme. C'est un peu vieux maintenant. Il joue un peu moins. Ouais, il joue un peu moins. Et il a eu une belle période. Ouais, putain c'est dur là. Bah, il a fait son temps quoi. Alors, je vous redis son nom. Juan Moreno y Herrera Jiménez. Il n'y a pas un truc avec les premières lettres En gros, non, son nom de famille est dans ce que je vous ai dit. Juan Moreno y Herrera Jiménez. Ah, c'est Jean Reno. C'est Jean Reno. C'est Jean Reno. Juan Moreno, en fait. Okay. Il a gardé juste le Jean Reno. Wow. C'est fou le fait que je pensais qu'il était bien français. Bah oui, moi aussi. Bah ouais, de ouf. Incroyable. Je me disais, il s'est déjà exporté aux États-Unis, ouais. Il doit être français. Il est d'origine espagnole. Mais Juan Moreno, c'est bien trouvé bah ouais, pour ouais. le Jean Reno, tu vois. Incroyable. Il a un sacré nom, y Herrera Jiménez, c'est long. Alors, qui est Chantal Deguerre? C'est Chantal Latsou? Non. Ah non. Ah non. Est-ce que c'est Chantal Goya? Ah, c'est Chantal Goya. C'est quoi cette mamie? C'est Chantal Goya. C'est Chantal Goya. Et c'est vrai que Chantal Deguerre, pour faire des pour présenter des dessins animés pour enfants, ça fait moins Deguerre. Deguerre. Ouais. Deguerre. Ah ouais, d'accord. De toute façon, je connais que deux Chantal. Il y a Chantal Latsou et Chantal Goya. J'avoue. C'était facile. Qui est Marc Sinclair? Bien français. C'est qu'on en a discuté deux fois. J'ai déjà oublié. Ah bah. Ça tombe bien. J'ai l'air, tu le sais normalement. Parce que je vais dire c'est Sinclair, mais c'est pas Sinclair. Non, c'est pas Sinclair. Bah, est-ce qu'il a. C'est un chanteur? Non. Non. Marc Sinclair. Marc Sinclair. Est-ce qu'il a gardé un des trucs? Absolument. Il a tout vois, changé quoi. Ce serait absolument trop pas. Facile. Ah, ouais. Non, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Parce que je pense que ça sonnait trop français. Je pense que. C'est Nagui? Non. Non. Non. Non, donc c'est pas un chanteur? T'avais demandé ça. Non, c'est pas un chanteur. C'est un acteur. C'est un acteur. Très connu aussi. C'est Gérard Lanvin. Non, non, il est pas. En fait, il est pas français. Pour, enfin, même Marc Sinclair, en fait, ça sonne Marc Sinclair, mais c'est Marc avec un K. Ah oui. Et Sinclair. Sinclair. Genre. Okay, il est peut-être d'origine française, j'en sais rien. Il est américain. Oui. C'est un acteur américain. Je vais vérifier. Enfin, tu l'as vu dans des productions. Oui, oui. Hollywoodiennes. Beaucoup de productions hollywoodiennes. Ok. Est-ce qu'il a joué dans des blockbusters, des trucs un peu... Oui, beaucoup de blockbusters, et son nom sonne blockbuster, son nom de famille. Si je peux en plus. Ça sonne Vin un peu... Diesel. C'est Vin Diesel. Oh, sérieux, incroyable. Je trouve que Diesel, tu vois, ça sonne blockbuster. Il s'appelle d'ailleurs Marc Sinclair Vincent, en fait, du coup, d'où le Vin Diesel. En fait. Ah, ok. Ah, mais il est né en Californie. D'accord. Ça aurait pu être Vincent Lindon. À deux doigts. C'est pas loin, ouais. Qui est Eric Marlon Bishop? Ou Bishop, mais c'est qu'un E, donc... Marlon Brando. Non, mais j'ai tenté. J'avais Marlon Brando, mais je. Ah non, je l'ai enlevé. Mais le nom, c'était pas si marrant en fait. C'est un. Donc c'était juste. Alors déjà, il y a que des hommes dans ce quiz. Ah non, il y avait Chantal. C'est bon. Oui, bah oui. Ça va. Beaucoup d'hommes n'assument pas leur nom, faut croire. Bon, visiblement. On a moins de courage. C'est quel métier, on a dit? On a rien dit? C'est encore un acteur en vrai. En fait, j'ai quasi succès. Oui, alors après. Le bon courage. Il est un peu moins connu, je pense, que genre Vin Diesel. Mais récemment, il était dans des films. Ouais. C'est un ricain? Oui. Est-ce qu'il a tourné... Attends, on va faire le jeu des degrés. Est-ce qu'il a tourné chez Disney, l'entreprise globale? Oui. Ok. Dans les... Est-ce qu'il est dans Marvel? Oui, Marvel, oui. Redis le nom. Eric Marlon Bishop. Il y a aucun c'est... de... Ouais, c'est qui n'a servi à faire son... Aucun indice. Ouais, putain. Je sais pas pourquoi il a choisi ça, en fait. C'est vrai que j'aurais pu chercher des anecdotes sur pourquoi ça fait comme ça. Je vais chercher d'ailleurs, comme ça serait intéressant. Et il joue des persos principaux, enfin un des persos principaux. Souvent, c'est plus des persos secondaires. Il a pas fait énormément de premiers rôles en fait. Okay. Bon, si, en fait, si, il en a fait des grands. Et puis, Samuel Jackson? Non. Mais c'est un peu de Stacabila, si tu veux, en termes de rôle. Tu vois, il en a fait un peu des grands rôles et il fait plus des seconds rôles. On connaît plus les seconds rôles. C'est Martin Freeman. Mais putain, pas mal aussi. Ouais, c'est fou parce que je parlais du MCU, c'est le même genre de gars. Genre, il ferait genre par exemple un rôle dans les Avengers. Il joue plus à dans Hollywood. Spider-Man récemment. D'accord. Mais là, j'ai vraiment reciblé à fond là. Je cherche pourquoi il s'appelle comme dans ça. Dans le dernier Spider-Man ou dans les anciens? Dans le tout dernier. Dans le tout dernier. Ah, c'est Willem Dafoe. Ah, c'est. J'allais dire c'est Benedict Cumberbatch, mais pas du tout. Déjà, il pourra pas inventer ce nom-là. C'est John Favreau. C'est John Favreau. C'est pas John Favreau. Non, non. Putain, attends. Il a joué pour Tarantino, si je peux vous donner un indice. Okay. C'est Samuel Jackson. Oui. Il fallait le dire deux fois. Pour un succès. Attendez. Ah, mais si, ok. C'est. Merde. Comment il s'appelle? Celui qui joue Electro? Oui. Oui. Ah, Jamie Foxx. C'est Jamie Foxx. Oh putain. Oh, Bishop. Eric Marlon Bishop. Et alors donc c'est en hommage au comédien Red Fox. Ok. Que vous connaissez pas? Non. Si, moi j'ai une culture énorme du ciné, donc c'était un comédien, voilà. C'est la nouvelle vague. Bien sûr. Bon, allez, ça devrait aller plus vite, mais je trouvais ça drôle. On comprend possiblement pourquoi il a enlevé ce nom de famille. Qui est Joaquin Rafael Bottom. Ah, d'accord. Ah, je sais. Comprenez pourquoi. Je vous le dis pas, mais je crois que je sais. Si tu le dis, tu peux le dire après, si tu ne pas tout de suite. Joaquin Rafael Bottom. Bottom. C'est Benjamin Bottom. Acteur toujours. Hein. Oui, c'est un acteur. Acteur toujours. Tu l'as, du coup. Ouais, ouais, je pense que je l'ai. On est sur, pareil, récent, du Disney. Non, justement. C'est un indice, mais c'est pas bien Disney, du contraire. Coup. L'autre entreprise. Ah, DC Comics. Oui. Oh là là. Ah là là. Est-ce que là, ça serait c'est pas... C'est un pur indice, en vrai. C'est un Joachim. Oui, il a gardé son nom, j'allais dire. Il a gardé une partie de son nom. Bon. Et c'est un peu tricky en même temps, du coup. Eh ben oui. C'est Joaquin Cruz. Ah non, pardon, ça c'est le prochain. C'est Joaquin Tom, bon, Rafael Bottom. Ouais. Et putain. Du coup, il joue chez DC Comics. J'avoue, quand ton nom c'est Bottom à la fin. Ouais. Quand t'es Rick, hein, c'est tendu. Enfin, c'est Bottom, mais avec des O en fait. Donc c'est. Non, c'est. Parce que le Q c'est, c'est avec des U, non? Oui, mais bikini bottom. Ouais, tu vois. Enfin, là, c'est l'arrière, en fait, c'est derrière. Ouais, ouais, c'est ça doit être ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est Jason Momoa? Non. Je sais pas, il joue Aquaman. Mmh. Aquaman, c'est... bottom, il est dans l'eau. Non, il, ça, est... ça, ouais, bon. Il a le cul dans l'eau. Ouais, ouais. Je sais pas. Non, ce n'est pas ça. Il s'appelle vraiment Joaquin. Ah, d'accord. Ouais, ah, c'est son prénom. Il a gardé ça. Ouais. Ah, mais Joaquin Phoenix. Eh oui, oui, je faisais exprès de faire Joaquin pour pas que ça. Je disais Joaquin. Non, mais t'es malin. Ah, il est malin. Malin, je le sais. Oui, le Joker. Bravo, bravo. Hein. D'ailleurs, il va y avoir Joker 2. Je pense que ça va encore nous bouleverser parce qu'on vit dans une société. Ah, mais là, et ça. Voilà. Lady Gaga va mais c'est factuel, hein, voilà, c'est une société en fait. Voilà, c'est tout. Littéralement. C'est vrai quoi. Mmh. Société. Lui, il vit dans une société d'ailleurs. Oui, ah bah, aussi le Joker. C'est ça qui est bien sûr. C'est trop bien pensé, je trouve. Et quelle société. C'est aussi factuel que moi, je suis en arrière. Allez, alors. Ok. Qui est Thomas Cruise Mapotter 4? Mapotter. Potter. Bon, Mapotter, le magasin. Mapotter, enfin c'est TH. Potter. Ça se prononce. Pardon. Potter. Mais le quatrième. Potter est inventeur. Potter est puant. Potter, ouais. T'aimes mon badge? Donc Thomas Cruise Mapotter 4. Attends, quoi? T'es vraiment genre. Mais c'est Tom Cruise. Thomas Cruise Mapotter et la coupe de feu. C'est juste Tom Cruise. C'est juste Tom Cruise. On va dire vraiment une société de voyage en bateau. Il est cancel. Incroyable. Thomas Cruise Voyage. Mapotter 4, non mais c'est fou. Voilà, c'est Tom Cruise, tout simplement, c'était facile. Okay. Mais je vais pas aller chercher bien loin. Éberlué. Et enfin, attention, le dernier, le plus drôle, qui est Christophe Lefriand. Ah putain. Toi, tu le savais, je te l'avais déjà dit. Ouais, mais j'ai complètement oublié. C'est Chris quelque chose, non? Non, pas du tout. Et c'est un Français. Et on comprend que ça sonnait pas trop pour son métier. Juste Christophe Lefriand, ça sonne pas bien. Ouais. Mais il s'appelle quoi? Il a gardé Christophe? Non, il a rien gardé du tout. Il a rien gardé du tout. C'est Philippe Etchebest. Non plus. Mais vraiment n'importe qui, quoi. Philippe Etchebest, le friand, c'est marrant. C'est ça. Non. J'avoue. Non, mais demandez-moi son métier, peut-être. Parce oui, que je voilà, vous dis, il a vraiment un nom qui colle pas du tout à son métier. Ça aurait été pas très stylé. Bon, déjà, il est pas pâtissier, oui. Ou... Non, non. Ouais. Parce que, au contraire, ça aurait collé. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est un humoriste? Non. Bon, parce que ça aurait été Christophe Lefriand. Tu vas voir un stand-up de Christophe Lefriand, c'est rigolo. Ouais, tu peux. Donc, tu deviens ringard très vite. Oui, c'est pas un acteur non plus. C'est un politicien. Non. C'est un sportif? Non. C'est un sportif. C'est un sportif. Je préfère que ce soit l'autre Jules qui me... Non, ouais, c'est pas un sportif. Je suis très persuasif. Ouais, bah, regardez, c'est ton voisin. C'est le palier. Pas vu en face. Voilà. Sortez, monsieur le friand. Non, non. Timide. Non, il est assez connu, en vrai. Ouais. Vous le connaissez, je pense. C'est Macron. Présentateur télé? Non. Allez, vous avez bientôt. Attends, fait on a dit tous les métiers. Tous les métiers. Non, pas tous. C'est un écrivain. Animateur radio. Non, type kiff. Ah oui, ouais, j'allais dire ça. Musicien. Oui. Musicien. Mais plus précis. Chanteur. Bon, ça vous, vous aidera si vous devinez quel type de musique. Tu l'avais dit? Non, j'avais pas dit chanteur. Non. Je sais plus. Un rappeur. C'est un rappeur. C'est Usher. Non. Non, mais c'est français. Il est français. Il est français, Jules. C'est Colonel Réel. C'est lui, non. C'est Christophe Maé. Non, non mais c'est un truc de délire là. Non, parce que je vous dis, tu vois, ça colle pas trop parce que lui, c'est. Bon, je vous le dis, c'est en gros un DJ. Okay. Ah oui, okay, Christophe okay. Le Friand, ah. DJ, tu vois, ah bah. Tu vas voir. C'est notre bon ah bah... David Guetta. Non, c'est notre DJ bon Bob Sinclair. S'appelle vraiment David Guetta. Et ben bah alors c'est Bob Sinclair. C'est Bob Sinclair. Ah c'est Bob Sinclair. Ouais. J'allais dire Martin Solveig, je me rappelais plus en vrai. Ouais, c'était wow. Bob Sinclair. Ouais, Christophe Le Friand. Christophe Le Friand. Christophe Le Friand dans ta boîte. Un DJ set. Un DJ set au petit salon. Christophe Le Friand. Faites du bruit pour Le Friand. Ouais, ça sonne moins bien. Bah c'est à la cantine, ouais. On comprend pourquoi il a changé. C'est ça. Tu étais pâtissier. Ah. Bah voilà, on a fini ce jeu. Ça vous a plu, j'espère. Bravo. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Oh, le régal. Ça va. C'est du petit. Jules, je te laisse présenter notre thème de ce jour, même si on l'a déjà dit un peu. Toujours. Oui, bah écoute, vous l'aurez deviné chez vous, dans vos oreilles. Puis ils ont cliqué sur le lien. Donc ah, normalement... Oui, de toute façon, c'est le titre. Ah, ouais. C'est ça, ok. Ah non, c'est peut-être pas le titre. C'est pas le titre. Verra, c'est Jeff Bezos le titre. C'est ça, on le garde. Le thème aujourd'hui, messieurs et messieurs, c'est la télé des années 2000 ouais. Et nos souvenirs avec cette dernière. Wow. Parce que du coup, on une savait télé que, cathodique. On savait que ouais. Jules adore la nostalgie. Du coup, on s'est dit c'est le thème c'est idéal. C'est, pas... c'est nickel. Putain, ta radio préférée, c'est quoi nickel. C'est le Move. Ah ouais. Le Move, l'esprit rock. C'est vrai. Plus c'est trop vrai. Maintenant. Hein. Plus trop. Alors c'est fini. C'est vrai, c'est quoi votre radio préférée? C'est quoi ta radio préférée, toi, Théo? Oh, wow, la vache. Je vais faire polémique. Je pense que ma radio préférée, c'est putain, bah c'est le Move en fait. Ah ouais. Mais le Move de maintenant. Oh, ah ouais. Waouh. Wow, ouais. Ah ouais, si j'allais dire le Move d'avant, c'était ouais, mieux. Ouais, ouais. Non mais le Move d'avant. Ah ok, donc c'était mieux avant. Ouais, okay. Allez. Allez. JDG. Allez. Tu préfères c'était... Move que le Move du coup? Non. Je préférais le Move bien sûr. Mais okay. En fait, comme maintenant, j'écoute beaucoup de rap. Ok. Oui, je suis bah, du coup, hyper hyper street comme gars. Ça se voit. Et oui, n'est-ce pas? Je porte une casquette. Voilà. Oui, parce que il c'est un podcast, c'est vrai. Le vrai hip-hop. Non, mais en fait, je trouve que c'est une radio rap assez cool, en fait. Mmh. C'est mieux que Skyrock. Voilà. Ah, mais c'est du rap maintenant Oui, ouais, ouais, ouais, en fait, c'est full rap. Ouais, maintenant, d'accord. C'est full rap. Et ouais, Skyrock, je me retrouve pas dans l'énergie. Ouais. Non. Bars, parce que énergie, c'est un nom de radio aussi. Non, non, j'ai pensé au Pokémon, vraiment. Ah, d'accord. J'ai juste fait. Et après je me suis dit non, ta gueule. Okay, bon, le gros geek là. Ouais, voilà. Ok. Mais de toute façon, j'écoute pas beaucoup la radio. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est en fait, ça. C'était juste parce que la radio FM. Trop has-been la radio. Allez. Allez, on sera jamais programmé nulle part. Ouais. Yes. Non, en vrai, moi, j'ai beaucoup écouté le Move vraiment tard l'époque. Mais parce que j'avais un petit réveil à côté de sur ma table de chevet. Et il était programmé sur le Move. Et je m'endormais avec, avec le Move et je me réveillais. C'était quoi l'émission le soir du Move? Ça aurait pu être Rire et Chanson. Hein. Franchement, je me rappelle plus exactement. C'était mais les filles que... du Move avec Emily. Putain, il a une bonne mémoire. Je me rappelle plus son nom de famille. Mais c'était hyper cool. Okay. Et ça balançait de la musique, surtout. C'est ça qui. Il y avait beaucoup de radio le soir où il y avait beaucoup de plus de talk et tout ouais. Comme ça. Mmh. Et je trouvais que le Move. Sur Energy, bien sûr. Ouais, par exemple. Et tu nous appelles d'où? Ok, on va appeler ton ex. Ouais. Bien à l'aise. Mais non, et du coup, je sais que moi, ça m'aidait à m'endormir okay. Aussi. J'avais c'est la petite mignon. Touche sleep sur mon réveil qui me permettait de le programmer pendant une heure. Oh et du coup, genre, pendant une heure, j'avais la musique qui me berçait, puis je m'endormais petit à petit. Oh, et, voilà. L'époque. Et il est nostalgique finalement. Non, mais il y a quand même des choses. T'es bien à l'aise, Jules, avec les bras derrière. C'est assez parce que je suis un peu endormi, mais je suis très à l'aise. Et toi, Jules, qu'est-ce que t'écoutes comme radio? Bah, j'écoute plus de radio, à vrai dire. Nova, allez, parce que t'as bossé pour eux. Jamais. Jamais écouté. Yes. Non, en vrai, alors au risque de paraître un gros beauf, moi mon père il nous a un rire peu. Chanson. Ouais, allez, ouais, c'est rire chanson. Mon père écoutait ouais. Aussi. Bah, il y a du rire, il y a du rock. Alors, excusez-moi. Que demander de plus. Bah, alors, attends. Et heureusement que je l'avais pas au réveil parce que du coup, ouais, un bon lâcher de salope de Jean-Marie Bigard allez, au réveil. Dès le matin. Et non, mais en vrai, ça a un peu forgé notre culture à moi et ouais. Mon frère. Et puis, même en vrai, t'as plein de classiques de rock qui passent toujours bien. Juste, c'était les chroniques. Qui était. Ouais. Ils avaient un imitateur un peu pété, tu vois, des blagues un peu. Bah, un c'est peu ça reste un peu bof, quoi, en général. Mais en vrai, c'est là où. Mais la musique, elle était bien. Ouais, ouais. Ouais franchement. C'est dans le titre et c'était. Je comprends, genre, c'est un truc qui peut participer à te construire, et puis tu pars de là, et puis après, tu. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont commencé avec ça, enfin, qu'on. Allez, salut. Wow. C'est un AVC. Leur passion pour l'humour a commencé avec Rire et Chanson. Enfin, c'est possible. Je pense. C'est possible. Je pense que ça a beaucoup influencé. Moi, déjà. Moi, ça m'a influencé en vrai. Mais t'es pas humoriste. Mais ma passion, c'est l'humour. Oh. Et Kemar. Rappelons. Regarde. Tu es un. J'ai tiré la langue. Un quoi de Kemar? rappelle-le. Je suis un bandeur de Kemar. Un énorme bandeur. J'avais plus le mot. T'étais un dormier. Wow. T'es un bandeur, je le dis tous les jours. Moi, j'écoutais pas mal RTL2 quand j'étais plus petit. Parce que j'aimais bien, en fait. Le son pop-rock. Vraiment... Ouais, mais c'était du bon pop-rock, quoi. Tu vois, ouais, ça se foutait pas ta gueule. Et... non, mais c'est vrai. C'était pas genre, c'était le slogan, trop hein. commercial, tu vois. La radio qui se foutait pas ta gueule. Et Virage Radio aussi à Lyon, c'était vraiment. Ah, Virage Radio. Ah, bah en vrai, Oui FM, Alternative Rock aussi, j'ai beaucoup écouté. Je connais pas du tout. Bah oui, FM, il y a vraiment des bons groupes qui passent. Ouais, ouais, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, du coup, parce que là, on va parler des années 2000. Alors, on va faire un petit tour de table déjà pour, comme ça, de but en blanc, j'ai envie de dire. J'ai envie de sortir cette expression qui est extrêmement vieille. Mais oui, ça bien avec années le thème, 2000, c'est parfait. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand on vous dit la télé des années 2000? Et on va commencer par Théo. Qu'est-ce que ça t'évoque? Quels sont les événements marquants? Enfin voilà, qu'est-ce que. Comme ça, si on te le dit. Là, il va dire un truc. Après, on creusera. Bah, je regardais Titeuf pendant que mes parents s'engueulaient derrière. C'était mon seul refuge. Chaud. Voilà. Bon, les années 2000, bon, je pense que ce sera le cas de tout le monde autour de cette table, mais on était quand même assez jeunes. Oui. En soi. Ouais. C'est du quoi? C'est du. 5-6 à. À 10 ans. À 10, ouais, un peu plus. Ah ouais. Ouais, c'est la décennie 5-6 à 14-15, quoi, ouais. En gros. Et oui, le bébé. À 15 ans, il regarde encore. Énorme bébé. Avec mes céréales, là. On juge pas. Du coup, moi, ce que ça m'évoque, ces années-là, je pense, c'est surtout. Je regardais pas beaucoup de séries, mais c'est tout ce qui était dessin animé. Ouais. Énorme consommation de dessin animé de ma part. Ouais, on reviendra après dessus ouais. En plus précis, mais vas-y. Ouais, bien sûr, mais voilà. Mais du coup, en fait, moi, ce que ça m'évoque, les souvenirs, c'est plutôt ça, avec la frangine, on se réveille le matin et on se fout devant la télé et on se met des dessins animés, quoi. Et en avant. Oh là là. Bah, si t'as vu Static Shock, énorme banger. Ouais. C'est que t'as vu F3X, le choc des héros. Putain, yes. Et du coup, t'avais Batman, la Ligue du Justicier, X-Men Evolution, Static Shock, etc. Ah, mais c'est du miel pour mes oreilles. Mais, tout ouais, ça, mais c'est moi, vraiment, c'est. Attends, je crois que j'ai écrit F3X, les boss. Mais là, j'espère que les auditeurs ont un petit plaid là. Voilà, attendez. Leur petit bol de chocolat. Moi, vraiment, j'ai regardé encore X-Men Evolution il y a 2 semaines, tu vois, en replay sur Dailymotion, en dégueulasse. Vraiment, j'aimais trop. C'était vraiment une bonne série, en vrai. Ouais, et ça et MTV, c'est un peu les deux mamelles pour moi. Je regardais des clips parce qu'il y avait pas grand chose à faire chez mes grands-parents. M6 la nuit aussi. Je me posais et je regardais des clips. Moi, je suis précurseur des clips MTV, de toute façon, c'est trop bien. Bah ça, il y avait de toute façon, il y avait pas YouTube, enfin par l'époque tout le monde n'avait pas un internet au débit et tout ça, donc les chaînes de clips, c'était vraiment tu découvrais la musique du moment. Ouais, même il y avait des 17 Europe 2 TV. Encore c'était avant. Direct Star après, je crois, un truc comme ça. Ouais. Europe 2 TV, Virgin 17. Ouais. Ça a tellement changé de nom. Et ensuite, et eux, ils passaient beaucoup de musique au début. Ouais, en fait. Aussi, maintenant, ouais. C'est plus. Enfin, je sais même pas ce que Next. C'est. Mais... Next. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait Next. Ah ouais. Et ouais. Sacré bail. Vous avez tous. Bah non, du coup, toi, non, mais vous avez eu Canal J et tout ça, et les câbles et toutes les chaînes. Si, j'avais Numéricable, moi, après, mais plus tard. J'ai une... Il y a déjà un enfant plus heureux. Moi, j'ai pas eu. Mes parents ont jamais voulu prendre l'abonnement Canal. Ouais, mais Canal, du coup, Canal J, je sais pas par quel miracle, mais en gros, quand je mettais la 12 sur ma télé. What? On captait quand même Canal J, mais en mode, il y avait, tu sais, genre, l'écran était dégueulasse, il y avait de la neige, mais je pouvais quand même regarder des dessins animés. Tu peux regarder Doug. En plissant les yeux, quoi. Ouais. Mais genre, ça. Genre, c'est vraiment, genre, l'image était horrible, mais on arrivait à la capter, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et du coup, je passais des heures devant un Canal J dégueulasse avec le son cramé aussi. Et quand t'es petit, t'as une persévérance quand même. Ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est assez fou. C'est dégueu, c'est tu regardes. Fait, ouais, c'est ça. Je. Comme j'arrivais quand même à, t'arrivais quand même à voir l'action. Il y avait le son et tout. Ouais, il y avait le son. Mais je sais pas par quel miracle ça passait. C'était, je pense que si je revois l'image maintenant, je me dis c'est horrible. Je passe pas plus d'une minute devant, pas plus de 20 secondes devant, je pense. Mais je restais et ça sidérait mes parents évidemment parce que qu'est-ce qui branle, c'est complètement fou. Ouais, con déjà. Ouais. Très tôt et très con. Ouais. Moi, je jalousais aussi Canal J. Je l'avais que chez ma nounou. Alors, putain, j'étais. Ouais, non, moi, j'avais. Ouais, mais Canal J, enfants, j'ai dû l'avoir dans le bouquet Numéricable après, mais du coup, ouais, c'était bien plus tard. T'es déjà un privilégié pour moi. Ouais, une pure enfance. Parce que moi, mon souvenir, moi, en tout cas, de la télé, c'était fin des années 2000, du coup, c'était un peu plus tard. C'était Game One, tu vois, ça, c'était trop bien. Ah, c'était vraiment trop bien. Et justement, ils avaient des clips. avec des images de jeux vidéo. Ça, c'est trop... En fait, c'était la musique. Oui, oui, oui, oui. Ils avaient monté avec des cinématiques de jeux vidéo. Comme des AMV, mais en jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, vraiment. Trop avant bien. C'était vraiment ça. Incroyable. C'était trop cool à regarder ça. Et puis, bah, toutes les émissions Game One, c'était cool. Puis Doctor Who aussi sur Game One. Je crois que c'était sur Game One, Doctor Who. Je sais plus. Mais j'ai connu. Ah, t'as regardé petit Doctor Who? Ouais. Ah putain, j'aurais adoré grandir avec ça. Ouais, parce que. En fait, je regardais comme ça, mais en fait, je comprenais pas parce que ça suivait pas. Tu vois, non, mais ça suivait pas. En plus, sur Game One, ils mettaient un épisode par-ci, il y avait un docteur qui changeait. Je disais, mais je comprends pas. C'est deux fois qu'il change d'acteur, ça n'a aucun sens. Hein. Oui, parce que je regardais comme ça sans comprendre. Quoi. Cette série, elle a commencé vraiment genre dans les. Années 30, non, 50, je crois, la première série. 60. Non, oui, mais c'est. Oui, parce qu'ils ont 60 ans cette année. Oui, bah, c'est ça. Ça s'est arrêté, ça a repris en 2005 après. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça a repris Christophe. Après en 2005 et pour ça. Une nouvelle série. Ouais. Et c'est vrai que c'est trop intriguant. Là, il y a le nouveau docteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue dans Sex Education. Ouais, c'est ça. Mais premier docteur noir d'ailleurs. Et justement, il y a eu tout. Enfin, genre, à chaque fois qu'il y a un nouveau docteur, je suis en mode putain, ça a l'air vraiment cool. Et après, tu dis, bah, faut regarder depuis 60 ans. Là, c'est bon. Non, c'est pas obligé de commencer. Je pense que tu peux commencer à partir de 2005 en tout cas. Mais ça fait beaucoup de saisons. Ils ont genre 13 ou 14 saisons. Absolument pas commencé avec les vieux. Mais surtout, je crois que les premiers, tu peux pas les trouver parce qu'ils ont été. Je crois qu'il y a une histoire de la copie a été. En gros, la BBC a réenregistré des trucs sur la seule copie. C'est trop con quoi. Oh là là. Ce qui retrouve en fait, quand ne tu manquez pas quand tu retrouves ces épisodes là, c'est des gens qui avaient enregistré à l'époque leur télé, enfin tu vois, c'est vraiment ah oui d'accord ouais. Enfin ils retrouvent des vieilles copies, mais c'est super rare de voir les premières saisons. Ouais. C'est ça. Mais du coup le tout premier docteur des années 60 du coup est joué maintenant par un gars qui lui ressemble, et tu sais des fois ils le font revenir dans des épisodes, enfin c'est, ah c'est, oui, c'est assez fou. Ah c'est cool comme ça, c'est vraiment cool. Donc ouais, moi c'est ça que ça m'évoque. Et puis après bah ouais, les dessins animés étaient fous et tout, ça c'était. Moi ce qui me faisait cool. Baver, c'était Fox Kids aussi. Fox Kids, t'avais, je crois que t'avais genre les Zinzins de l'espace. Fox. Oui. T'avais genre tous les trucs trop cool, Oogie et les cafards, les Zinzins de l'espace, tout ça. Là on cite des trucs incroyable. Pour de la madeleine. Pour de la madeleine. Je l'avais. De Proust, hein, pas la madeleine. Non, bien sûr, pas la Saint-Michel. Ah non, sûrement pas. Ah non, clairement pas. Ça m'assèche la bouche en plus. Non mais. Bon, allez. Allez. Ouais, les Zinzins de l'espace, j'avoue, gros souvenir. Eh ouais. Ouais. Prof de scénario. On a pas d'anecdote là-dessus, c'est incroyable. Non. Prof de scénario était. C'est Zinzins de l'espace. C'est des rats. Ouais. Ah rigolo. Voilà. Francis, on t'embrasse. Ouais. Si nous écoute. Big pas up. Sûr du tout. La Starac. Moi, j'ai pensé à la Starac. T'as pensé à ça quand on a dit la. En fait, j'ai pensé. Secret Story. J'ai pensé. Mais ouais, je sais, ouais. Oui, bah, c'est encore plus tard. De toute façon, année 2000, c'est le début de toutes les télé-réalités. Donc, ouais. Ouais. Si on revient à la racine. Je vous fais un petit regard là. Ouais. Il y a le Love Story et la Star. Et putain, en fait, j'ai pensé à Fida Turner. Et oui. Du coup, Love Story, je me suis dit putain, tellement cette époque-là. Elle a fait une belle intervention à TPMP l'autre jour d'ailleurs. Ah bah ça. Parce que tu regardes. Hein? Parce que tu regardes, j'allais dire. Non, mais. J'étais surpris d'avoir. Feed Facebook. Ouais. Non, je regarde pas. Hein. Ok. Ouais, je regarde. Vous croyez pas. Je regarde pas. Oui, c'est clair. Oui. Ok. J'ai vu. Et en fait, j'ai appris que Love Story, du coup, c'était adapté d'une émission américaine qui s'appelait déjà. Big Brother, je crois. Wow. Le principe aucun de se rapport, faire filmer. Ouais. Ah, bah, si, en vrai, c'est. Oui, c'est dans une micro-société filmée, machin. Et ouais, c'est vrai. Mais c'était et fou au début, n'empêche. Ce qui n'a donné aucune star. Ah là là. En vrai, un peu plus que les autres, peut-être. Ouais, bah, du coup, de Love, il y avait Afida Turner, c'est ça. Ouais. Et il y avait qui d'autre Cimer. Bah, t'as Loana. Ah oui. Et t'as Stevie Boulet qui, maintenant. Je sais pas s'il va toujours être cliqué. Bah, il a été chroniqueur pour ouais, c'est vrai, longtemps il a été chroniqueur. Ouais. Très longtemps, ouais. Mais j'ai après, il y a eu la Starac, ouais, ça, vous vous en souvenez. Avec Christophe Le Friand qui faisait la musique d'ailleurs. Putain, oui. Oh là là. J'ai oublié qui c'était. On y revient. Mais j'aime encore mieux Le Friand. Mais d'ailleurs, il y a eu une nouvelle saison de la Starac que j'ai pas du tout regardé, mais apparemment, c'était un des. C'est ce qu'on avait noté. On avait dit que maintenant, les vieilles émissions reviennent en fait petit à petit. Oui. La Starac. C'est fou en fait cette nostalgie de revenir. Mais en ressenti, la Starac revenue, ça a fait deux semaines. Enfin, genre pour moi et mes potes, on a l'impression que ça a commencé, que deux semaines après, c'était fini. Je sais pas regardé du tout. Bah non, mais nous non plus. On l'a juste vu dans un bar un moment. En fait, on a entendu parler quand ça allait sortir. C'est tout. Après, je pense que c'est normal que des émissions comme ça elles reviennent parce que déjà, la télé, ça commence à perte de fou d'auditeurs et enfin d'audience. Et en fait les nouvelles générations, celles après nous, elles sont pas nées avec la télé, donc elles s'en foutent de ce média là. Et donc je pense que en fait ils veulent essayer de rattraper ceux qui ont grandi avec la télé. Tu penses que c'est plus pour les vieux? Parce qu'il me semblait quand même que les stats de la nouvelle Starac, c'était quand même beaucoup de jeunes, en fait, qui peut-être en fait avaient beaucoup entendu parler de la Starac, ouais, aussi. Genre venant nous, en fait, en mode peut-être, c'était trop bien, enfin c'était trop bien, c'était bien les premières saisons, mais je pense que voilà, ils ont tout intérêt en tout cas à faire revenir des trucs qui ont marqué une génération. Ouais. Parce que ça a marché. Donc, ouais, c'est ça, ça a marché. Donc ouais, nous, ça va nous faire revenir sur le truc. Et éventuellement, en plus, ça peut intéresser des gens un peu plus jeunes aussi, qui voudront vivre ce que nous, on a pu. Vous aimeriez voir quoi d'autre comme émission qui revienne des années 2020? Franchement, les enfants de la Koh-Lanta télé. Koh-Lanta avec les trois Spider-Man. Ah ouais, les enfants de la télé d'Arthur, franchement. Le merdier. T'as dit quoi, pardon? Koh-Lanta avec les trois Spider-Man. Parce qu'en fait, tu disais qu'on parle beaucoup de nostalgie et tout ça. Et en fait, je me dis, en fait, au cinéma, c'est pareil. Parce que tu fais et tout et que là, tu fais revenir les trois Spider-Man, machin. Ah non, c'était vraiment pour nous. Wolverine revient. Parce que moi, concept incroyable de prendre une émission qui était bien, qui a bien marché un temps, et des personnages qui ont bien marché un temps. Et dit, les deux, peut-être, si tu les mélanges. Si McFly refait sa déco. Et... Après, il nous faudrait les acteurs. J'avoue, déco, putain, déco. Denko. Est-ce que ça serait bien, ça revenir? Franky, putain. Bah, il y avait le mec qui refaisait des maisons aussi. Mais comment il s'appelait, Pierre-Emmanuel, là, un truc comme ça, Marc-Emmanuel, tous ensemble, ou je sais pas voilà, quoi. Voilà, c'était ça. Ouais, ouais. C'était marrant. J'avoue ça, que déco, moi j'aurais trop kiffé participer à l'émission. Ça dépend genre, quelle période. Qu'elle refasse ta chambre. Mais ouais, mais parce que tu sais, genre j'étais là. Moi, parce que j'avais une chambre genre. Enfin, simple quoi, tu vois. Et genre j'étais là, des fois je suis tombé sur déco, j'étais en mode putain, mais je pourrais trop. Parce que moi j'étais fan de rock, genre de Led Zeppelin, des trucs comme ça à l'époque. T'étais pas si simple. Non. Et genre du coup j'étais en mode putain, je pourrais avoir une chambre trop rock avec un lit et une forme de guitare, waouh. Et elle est jamais venue chez toi. Elle avait eu plusieurs périodes, j'ai l'impression, où elle faisait des trucs trop stylés. Je crois que c'était au début, et après elle est partie en mode stickers et paillettes, alors que au début que c'était vraiment, c'était un peu Pitch My Ride à des moments. Parce que t'avais genre une télé avec une vitre sans teint, du coup c'était un miroir jusqu'à ce qu'elle s'allume. Ah ouais, sur une télé, putain, tu vois. Elle faisait des trucs comme ça aux gens, mais insane. Maintenant elle a juste repeint les murs. Oui, le lit en forme de guitare, tu l'oublies. Avec Francky derrière en train de faire tomber un mur. Il y a plus de budget, il y a plus d'audience, il y a plus de budget. Francky en train de porter du placo derrière. Là. Il y avait aussi comment ça s'appelle, un dîner presque parfait aussi. Ah oui. Je sais pas si c'était 2000 en fait, ça, mais c'était peut-être déjà 2000. J'ai jamais regardé ça. C'est genre 2004, tu vois. Je sais pas si ça existe encore en fait. Oh, aussi, mais je pense que c'est sûr. C'était sacrément merci, bizarre. Clem. Elle a dit ouais. Elle m'a dit, elle m'a fait un pouce en l'air. Okay, c'est dans Dîner presque parfait, le coup dur pour Guillaume. Oui. Oui. Guillaume. Mais c'est tellement un peu glauque, je trouve, comme émission. Des inconnus qui viennent chez toi. Ouais. C'est comme le 4 mariages pour une lune de miel, ou enfin ce genre de truc là où en fait tu mets des gens vraiment en compétition et ils doivent se noter, ils sont impitoyables entre eux, quoi. Ouais, parce que l'idée c'est de gagner. Gagner. Ouais, c'est ça. C'est que, mais en fait, je pense que t'es méga conditionné par tout. Enfin, tu fais filmer tout le temps et tout ça. Comme ça, et du coup tu ils arrivent à tirer le pire des gens, je trouve. C'est horrible à voir. Mais après, on n'est pas la cible non plus aussi. Oui, on n'est peut-être pas la cible, mais après c'est ce qui marche aussi, tu vois. Enfin, c'est comme les anges de la télé-réalité, les trucs comme ça, où en fait une sorte de voyeurisme, en fait, ça se fout sur la gueule, et en vrai c'est ça que les gens kiffent aussi, tu vois. C'est un peu, moi je suis au-dessus de ça, je lis des livres en fait, c'est ça. Je lis énormément, c'est faux. T'es tellement ouvert. Je suis sur TikTok toutes les heures de ma journée. Yes. Bah, tu parleras de ton compte TikTok à la fin de l'émission, bien sûr. Mais du coup, vous aimeriez voir quoi au revenir, du coup? Les enfants de la télé, franchement, ce serait cool. En vrai, les vrais enfants de la télé, avec Arthur et tout, c'était trop bien. Ouais, j'allais faire le jingle, mais après, je me suis revenu. En fait, moi, je me souviens pas trop de l'émission, mais je me souviens justement dans cette émission-là des bêtisiers qui faisaient des best-of, tu vois, d'images de JT où ça part en fou rire et tout. Et je sais pas, ça me touchait trop, quoi, pliant, vraiment. Pliant. Moi, les fou rires en plateau. Oh là là, Ellie, on a encore une belle casserole pour vous. C'est fou. Mais alors que maintenant, c'est Ruquier, je crois, qui présente l'émission. C'est plus du tout pareil. Ah ouais, c'est sur France 2. What the fuck. Et je crois que c'est bien moins drôle, quoi. Enfin, ah ouais, bah, c'est fuck, moins bonne ambiance, quoi. C'était pas l'événement comme à l'époque. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était fou. Ils invitaient tout le monde, tous les gens qu'on voyait au ciné en France, quoi. Ouais, même Boulevard et tout, tout le monde se sentait cool et libre, tu vois. C'était un peu les feats de ouf qu'on voit sur YouTube maintenant, tu sais, genre c'est vraiment McFly qui invite des gens, en fait c'est ça, c'est la même chose. Le parallèle est vraiment très juste. Tu rigoles sur un plateau, quoi. Ouais, c'est fun x5. Ouais, c'est ça. Finalement, YouTube c'est la télé maintenant. C'était quand même souvent Elise Moon, Franck Dubosc et Anthony Cavana. Mais tu vois, c'est toujours les mêmes, tu vois, c'est les mêmes têtes que t'aimes bien voir dans des plateaux, Jamel Debbouze et tout. Anthony Cavana, putain, je l'avais oublié. Et maintenant, ils se font inviter sur YouTube en plus, Jamel Debbouze et tout. On l'embrasse. On l'embrasse. Anthony Cavana. Ouais. Fou, putain. Je crois tu l'as dit si près. Non, mais je crois que je l'avais vu en vrai, Anthony Cavanagh, en plus, dans un camping, je crois. Mais c'est pas oui. Faire, tu l'as vu en sketch. Non, mais tu sais. Ouais, ça c'est une... on en parlera dans l'épisode spécial c'est, camping. C'est pas lui qui avait vas-y pardon. Non, c'est pas lui en plus Anthony Cavanagh qui avait été sur les Web Comedy Awards là, oh, qui si, avait été si, méga oui. Gênant. Oh, il si, avait si. Fait un sketch oui, sur oui. Bah, sur le fait que genre sa fille elle était sur Facebook et que oh là là non mais c'était cringe. Elle lève jamais les yeux de son écran. Oh, mais c'est vrai que ça m'a boomer. En fait quand la télé arrive sur internet non mais je veux dire non plutôt quand internet copie la télé ça marche vraiment de ouf, genre bah, Squeezie qui a fait Le GP Explorer de F1, enfin de F4, oui, mais parce que t'es à la, ils sont à l'affût des codes. Ouais, dans l'autre sens, mais dans le sens ça marche pas du tout. C'est quand ça copie l'inverse. Et non, j'avais vu Roland McDan aussi dans un camping, c'était juste pour citer son nom comme ça. Ah bah Roland McDan, il faisait comment ça s'appelle, êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans? Quoi? Je voulais pas de ce truc. Oula, attends, c'était on devait se battre contre un élève de 10 ans. Le coup, on dirait vraiment un concept YouTube. Ah ouais, c'est vrai. De fou. Bah, c'était qui peut battre Gilles Verdeuse. Tout le monde. On a un plagiat. Ouais. Faut le dire à tout le monde. Oui, oui. Non, mais c'était une émission. Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans? Où t'avais Roland McDan qui faisait entre guillemets le prof, mais surtout le présentateur. Okay. Où t'avais, je crois, les parents et les enfants qui devaient répondre à des problèmes genre d'école, tu vois, avec machin oui. À trois pommes, etc. Bon, oui. Plus compliqué, bien sûr, mais et c'était une c'est émission, à la fin tu gagnais, je sais plus quoi, mais c'était trop bien. Ah, c'est rigolo, ouais. Non, pardon, j'étais vraiment en train de réfléchir au truc. Du coup, vous avez toujours pas répondu à ma question, mais c'est bien, c'est le fil rouge. De quelle émission vous aimeriez voir? Des anguilles, bah non, mais sinon. Mais c'est fait pour. Hein. Après, moi, je sais que mes. En fait, mais moi, je voyais beaucoup les dessins animés le matin. C'était un peu le seul moment où mes parents me laissaient regarder la télé parce qu'il fallait pas faire trop de télé non plus parce que c'est pas bon pour la concentration, machin, tout ça. Et donc, en vrai, j'ai pas énormément de rêves d'émissions, ouais. Que je, enfin, les dessins animés. Tu regardais jamais genre le soir et tout le vendredi non, soir. Non, t'avais pas. Non, justement, la télé soir, c'était non parce que ça empêchait de dormir. Donc le matin. Donc t'as jamais eu la trilogie du samedi? Non. Transition. Mais attends. Non, mais. Non, je te sens énervé là. Non, mais non, pas bien. Non, je suis très sur toi. T'étais un enfant simple, t'avais une chambre simple. Voilà, c'est tout. Mais il se réfugiait dans la musique. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est vrai que c'est triste d'imaginer devant un Canal J en dégueulasse. Je te jure, c'était horrible. Mais vraiment, ça me passionnait, quoi. J'adore. Et toi, Théo? Une émission qui t'a marqué, que t'aimerais voir revenir? Alors, un truc. Alors, en fait, cette émission, dont je me rappelle plus du tout le nom. Où genre il y a plusieurs tatoueurs et genre ils font une espèce de concours. Avec je sais plus. D'une meuf qui s'appelle Tattoo Baby, c'est tout ce que j'en rappelle. Tattoo Master. Peut-être au hasard, je ne sais plus. C'est pas Ink Master en vrai. C'est exactement ça. Bah, ouais. Et ben en fait voilà, alors moi c'est une belle équipe, je trouve. Tous ces concepts un peu farfelus et un peu improbable, tu vois, un peu foufou, que j'aimerais bien voir revenir à la télé. Et c'est, je trouve, en fait. Typique énergie 12. Ouais, très, très bien. Et ouais, voilà, dans ce genre-là. Et je trouve ça très con, mais à la fois, ça pour le coup, vas-y, j'allume ma télé pour regarder, tu vois. Genre, vraiment tout ce qui est tatouage, défi à la con. Tout ce genre de trucs-là, vas-y, bah, bien sûr, je suis client. Je repense à un truc, c'était. Je crois que c'était sur W9. C'était comment il s'appelait, les potes à Michael Youn là, qui tenaient ça. Vincent Dezania. Voilà. Et Benjamin Morgan. Oui. Ouais, et ils chopaient des trucs. C'était des. Takeshi Castle. Ouais, c'est ça, Takeshi Castle. Incroyable. C'était le menu W9. Ouais, ouais. Ouais, ça a eu 40 noms ce truc, je crois. Oui. Voilà. Mais au final, c'était Takeshi Castle et le Total Wipeout. Il regardait des extraits de ça en gros. Ouais, c'est ça, mais c'était fabuleux ça. Et sinon, c'est vrai que Next, j'y repense aussi, mais quand même, je pense que Next maintenant, ça pourrait être très très drôle. Avec les codes de maintenant aussi, je sais pas comment ils réussiraient à se genre à pas être has-been non plus. Ouais, c'est ça. Pas trop. Mais cringe, je pense que ça peut être très très rigolo à voir. Juste pour l'arrivée des gens là qui sortent du bus avec les phrases qui ont aucun sens. Ouais, mais ça, c'est Damien c'est... et c'est tellement et rocker. Ouais, ouais. Son hamster est mort il y a 2 mois. Et elle déteste les ongles de pied. C'est toujours des vieux. Ouais, c'est ça, putain. Non, mais grave. Trop bien. Moi je pensais au. Vous vous rappelez pas du pensionnat de Chavagne? Ça me dit rien. De Chavagne. Le pensionnat de Chavagne. Ouais. Je m'en rappelle pas, mais. Casser la gueule à des enfants. Ça a l'air fabuleux. Non, je regarde. Il y a du streamer qui réagit, voilà, à ça. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On en a parlé hors émission. C'est à travers ça que j'ai découvert. Ouais. Ouais, putain, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit et ça avait l'air. Bon, mais raconte un peu, c'est quoi, en fait, c'était une télé-réalité en soi, un peu une émission de télé-réalité où t'avais des enfants, genre en 2005, parce que je crois que j'étais en CM2. Et ils étaient dans un pensionnat en mode à l'ancienne, comme dans Les Choristes, tu vois, un peu. Donc c'est uniforme, et le matin, ils devaient se lever, et à la file indienne, ils devaient tous prendre une cuillère d'huile de foie de morue, tu vois. Oh putain. C'est pas le meilleur truc, tu vois. Pourquoi ? Pour commencer, je sais pas, et c'était pas genre ultra strict, machin, fallait pas faire les cons et tout ça, et c'était pas mal en vrai. Ça te renvoie à ta condition d'enfant gâté. Après, finalement, ma vie n'est pas même, si mal. Qui n'avait quand même pas le câble. Faut le rappeler. Préciser, je regardais Canal J en dégueulasse. Oui. Ouais, on oubliera jamais. Quand les copains se racontaient les dessins animés dans la cour de récré, moi j'étais ah ouais, le moment où il dit. Oh non, le délire, quand il est. J'étais un paria. Quand il est flou là, vous avez vu quand il est flou. Ouais, c'est... Bichette. Ah, non, mais. Non, par contre, un truc des années 2000 aussi. Et ça, pareil. Mes parents, ils étaient très peu, jeux vidéo et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que ce que je rêvais d'avoir, par contre, c'était les Game Boy. Et les gens jouaient à Pokémon. Et en vrai, quand Pokémon Go est sorti, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mmh. Parce que je pouvais enfin jouer à Pokémon. Ouais. Et on le fait. Et ouais, tu sais, genre. Et en plus, c'était dans nos rues, quoi. Genre, ouais, c'était trop bien. Ça te faisait sortir. Ouais, c'est ça. Alors, en mieux fait, je suis pas d'accord, par contre. Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a pas de scénario, du coup, il y a pas d'histoire, tu vois. Mais en vrai, c'est pour ça. Et j'ai vraiment, genre, de ma bande de potes, je suis celui qui a joué le plus longtemps. Et vraiment, genre, quand tout le monde a arrêté, genre, moi, j'ai joué beaucoup aussi. Tu joues peut-être encore, non ? Non, plus maintenant, mais j'ai bien deux, trois ans. On va vérifier si tu l'as toujours dans le portable. Non ! Des applications bien plus dégueulasses. Oula, oui. Tu sais fait là ça. Non mais voilà, et du coup c'est vrai que j'avais pas eu le droit d'avoir une Game Boy. Oh. Non mais c'est comme genre c'est marrant mais. Putain qu'est-ce qu'il est simple. Non mais c'est comme genre souvent du coup j'allais chez le voisin aussi parce qu'il avait la PlayStation 1. Ah bah. Quand ils ont eu la PlayStation 2, du coup on leur a acheté la PlayStation 1. Oh. Et ensuite quand ils ont eu la PS3, on leur a acheté la PS2. Oh. Mais en vrai c'était très bien, hein, je regrette pas du tout. Et surtout, je crois que si, hein. Je crois que non, en vrai, parce qu'il y avait vraiment. T'es moins venu parler des années 2000 que des conflits avec tes parents. Ouais. Non, tu voudras leur envoyer l'épisode après. On peut faire un petit DVD, faire un hors série, gros. Non, mais par contre, et vraiment FIFA 99 sur PS1, un des meilleurs jeux de. Big up. Voilà, FIFA. Faut le dire. Des hommes, des bouts de. Des carrés. T'as des frères et sœurs ou... J'ai un petit frère. Un petit frère, ok. Ouais, parce que moi, c'était beaucoup les jeux de mon grand frère. Ouais, moi aussi. Donc, c'était un peu le même principe qu'avec tes voisins. Ouais, c'est mais, ça, c'est. Mais avec mon grand frère. Non, et voilà, et les matchs de foot sur FIFA 99, c'était quelque chose. Ouais, c'était Mario Smash Football. Écoutez, chacun son. Oh, Mario Smash Football. Voilà. Plus tard, ça, c'était plus tard. C'était 2004, 2003, je ne sais plus. Non. J'étais quoi ? On vérifiera. Mais j'étais Mario tout petit. Striker Football. T'avais quoi ? T'avais 8 ans. J'avais 8 ans, j'étais tout petit. C'était la Wii. Mes parents divorçaient. Ouais, attends, ouais, Strike Football. C'était... Ouais, c'était sur la c'était Wii. J'en ai déjà un sur GameCube, et ensuite on a un autre sur Wii. Et ensuite c'est la débandade, et ensuite t'as celui sur Switch. Qui est un peu la débandade d'ailleurs aussi. Ouais, tu l'as testé ? Alors, non seulement je l'ai, mais je l'ai deux fois. Ah, bah je peux t'en prendre un si tu veux. Trop envie. C'est Victor qui me l'a offert sans savoir que j'avais déjà. Et ouais. Bon, vous réglerez ça en antenne, hein, bien sûr. C'est vrai que ma demi-sœur m'a offert Harry Potter 6 sur DS alors que je n'ai pas la DS. Ah, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon, ça Ah, j'étais gâté. Hein. On a la famille qu'on a, quoi. Ouais, ouais. Bah, on choisit pas sa famille. Ouais, ouais. Mon enfance a été triste, ma vie actuelle. Mais elle est pas triste, mon enfant, c'est pas ça, juste ça. Bon, non, elle est chacun, pas triste. J'essaie de te rattraper. Personne n'a dit ça, Ouais. Non, tranquille. Elle était simple, On dit simple. T'inquiète. On dit simple. Non, simple. Je peux vraiment pas me plaindre du tout. Vraiment, c'est pour la blague, pardon. Oui. Mais du coup, vous avez tous eu des consoles de salon ? Parce que moi, j'ai juste la Wii. D'accord, ok. C'est tout. Ouais. J'ai eu la Wii après. Nous, avec mon grand frère, on s'est battu vraiment. Chaque Noël, on demandait à la Nintendo 64. À nos parents, mais ils voulaient pas de console de salon, du coup ça a été Game Boy. Ah, Game Boy aussi, pour moi. Mais du coup, Pokémon et tout ça, mais ouais, non, console de salon, on l'a eu un peu comme toi, nous, par procuration, par les voisins, mais par des amis, tu vois. Ouais. Et ensuite, toutes les consoles, on les a eu en retard jusqu'à la PS3, tu vois. Oui, bah souvent c'était et ça. Et maintenant, moi, c'est PC Master Race, donc il n'y a plus de retard. Allez. Non, mais t'es un véritable gamer là en fait. C'est... Ah, bah là, vous êtes en face d'un grand nerd. On l'appelle le grand nerd. 2000 heures sur Apex. D'ailleurs, ouvrez les fenêtres, s'il vous plaît. Ouais. L'odeur là de la salle. Là, il a un casque gaming, hein, d'ailleurs, sur les oreilles. Oui, vous avez pas vu, là, le c'est un Razer. Bien sûr, bien sûr. Violet, et puis qui fait de la. Razer Gaming 3. Stylé. Wow. Pro. Vous vous souvenez des pubs des, de la télé des années 2000 un peu ou pas? Je me rappelle des pubs qui sont marquées. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ouais, ah oui, il y avait ça. Il y a les petits filous tubes dans le frigo là. Ah ouais, non, mais les tubes, on n'est pas à des pots. Non, non, non. Ouais, incroyable mais ça. C'était trop bien. Bah, c'est vrai qu'il y avait. De toute façon, quand tu regardais les dessins animés le matin, t'avais toutes les pubs pour les enfants, ouais, mais les pubs c'était vraiment genre Hot Wheels, Action Man, le produit qui arrive en tournant avec des explosions à chaque fois, maxi vitesse. Mais le pire c'était la voix, enfin chaque fois. Bionicles. Ça, par contre, oh là là mon pote, alors là mon gars, ah mais ça c'était ma vie hein, vraiment. Et les jeux, pardon, vas-y, pardon. Ah, pas si triste l'enfance. Non, du coup. Mais j'avais pas de jeux vidéo, mais j'avais les Bionicles. Vous étiez quel team? Parce qu'il y avait deux teams de Bionicles, et moi, souvent, quand je dis ce que je faisais avec les Bionicles, on me regarde et on me dit hérétique. Non. Ouais, ouais, oui, bah voilà. Non, en fait, alors, j'en ai eu plusieurs. On a offert plusieurs machins pour anniversaire et compagnie. Et en fait, j'avais une passion, c'est que je les démontais et je reconstruisais des nouveaux bails avec. Oui! Merci. Et ben, alors, merci. Je suis très heureux de trouver du soutien. Ah, merci. Ouais. T'es méchant dans Toy Story, hein. Généralement, on me dit plutôt ça, tu vois. Ah ouais. Non mais vraiment. C'est moi. Mais parce que t'es un créatif en fait. C'est pour ça que tu fais de la musique. Mais, ouais, c'est ça. Et ouais. Donc on est là, on s'arrête pas au carcan d'une notice en fait. Voilà. C'est bon. Vous créez votre propre univers. Voilà, c'est comme avec la musique finalement. C'est ça. Non mais ouais, mais j'avais fait des bails énervés, hein, des machins. Machin, ils avaient six pattes. En vrai, je suis retombé dessus parce que genre ça faisait du triche. Mes parents, ils étaient là, bon, qu'est-ce qu'on en fait? On peut les donner? Et j'étais en mode, ah non, bah facile. en chialant. J'avais fait n'importe quoi. Hein. Il y a vraiment des assemblages que j'ai fait entre plusieurs Bionicles. Je comprends pas ce que mon cerveau avait en tête. Bah, c'est Sid dans Toy Story, c'est clairement ça. Ouais, des petits Frankenstein. Ouais. Des machines de guerre. Tu as tué un mulot. Ouais. Non, je suis en train de penser, je sais pas pourquoi, ouais. Agathe, ma demi-sœur, oui, que tu connais, avait vendu notre PS1 avec tous les jeux, carte mémoire et les deux manettes pour 4€ dans une brocante. Wow. Sans nous dire. Ah là là. Mais le mec qui a fait une affaire de ouf. Ouais. On était ultra deg. Oh là là, je vais lui ressortir. Il y a des trahisons qui ne s'oublient pas. C'était les parents qui avaient dû dire, non mais fais du ménage là, ils sont pas là les garçons, prends des trucs, enfin tu vois, vas-y, on se débarrasse des trucs qui servent à rien là. Ça va pas. 4€. Mais vraiment, elle s'est dit, il y a 4 éléments. Genre, il y a la PS. C'était avant l'inflation. Hein. Ah, ouais, mais oui. Ah, ouais, mais ça, oui, c'est vrai. Mais c'était la PS1, ouais. En plus, du coup, maintenant, si le mec il l'a encore, il peut la revendre, mais des milliers et des milliers. Des milliers et des centaines. Je sais pas si la PS1 elle prend tant que ça. Je sais pas. Maintenant, c'est une console rétro. Donc Même la Xbox et la GameCube, ça commence à être rétro selon les gens. Moi, je suis pas d'accord. Bah, la Wii, je crois que c'est rétro maintenant. Non, c'est non. J'avais un jeu Yu-Gi-Oh! Sur PS1. Un jeu Yu-Gi-Oh! Et. J'en ai très peu de souvenirs, c'était catastrophique. Mais de toute façon, moi je jouais aussi à Yu-Gi-Oh! Mais on ne savait pas les règles. On posait les. T'avais juste des cartes jolies. Ouais, comme ça, avec là, j'avais vraiment 12 monstres sur le terrain. Et vous avez déjà joué à Pokémon, vous genre, avec les vraies règles des cartes? Peut-être préciser, le thème c'est la télé et les jeux vidéo des années 2000. Parce qu'on a c'est l'ambiance télé des années 2000. On a bien dérivé, mais ça va à moi. Non, parce que je regardais beaucoup Yu-Gi-Oh! Aussi. Il a raccordé les wagons. Je suis un des seuls qui a regardé les 9 saisons de Yu-Gi-Oh! Mais tu sais que j'avais voulu reprendre il n'y a pas longtemps et me les remater. Et en vrai. C'est dur. Ouais. Code Lyoko. Code Lyoko. Pareil. Code Lyoko, toujours le même scénario. Mais en fait, c'est ça. C'est le problème, c'est que Code Lyoko, quand tu le regardais, genre tous les matins, moi j'étais refait parce qu'il y avait un nouvel épisode et ça change un chouïa de celui d'avant. Mais sans non plus. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand tu essaies de mater la saison comme ça, genre justement, c'était avec mon ex, on avait commencé à re-regarder les Code Lyoko et t'es là, au bout de 4 épisodes, tu fais. Bon bah c'est la même chose, le même scénario. Ouais. Il faut dire que en plus visuellement, on était quand même dans les années 2000, dans cette période où d'un coup les effets un peu 3D très mal branlés débarquaient. Ah oui, c'était fou. En plein milieu d'un dessin animé 2D. En plein milieu de la 2D. Ouais, c'était par exemple Code Lyoko, ça me fait rire quand même. Ouais, ou Galactic Football aussi. Ouais, mais je sais pas, mais Code Lyoko, il y avait vraiment un truc dans le scénario quand même qui justifiait l'apparition de la 3D. C'est un jeu vidéo. Et moi du coup, je trouvais ça méga cool. J'étais en mode waouh, mais incroyable! L'expression est aussi des années 2000, méga, méga cool. Hein. Cool ouais. Moi je suis quelqu'un de méga cool, hein, de base. Ouais. Quand tu n'es pas simple. Non, mais bien voilà, Code Lyoko aussi gros banger. Kit, gros banger. Bien sûr. Masterclass. Masterclass de Aelita, bien sûr. Voilà, putain. Vous avez eu des finger skates? Parce que là, moi, j'ai ramené chez mes parents des finger skates. On hésite à les jeter, je dis non, quand même. C'était t'es nostalgique? J'étais nostalgique. Je crois que je m'en étais acheté ou peut-être... Enfin, procuré, je ne sais pas comment, mais je sais pas si mes parents... Ça m'étonnerait, mais mes parents m'aient acheté des finger skates. Bah, pourquoi? Et en même temps, bah parce que, je sais pas, ils devaient se dire... Mais c'est des petits skates. C'est pas une console, au moins. C'est, ouais, c'est pour ça que c'est pas une console. Non, mais parce que, genre... je sais pas, genre, je me dis, quand t'es parent de gosse, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec un... Skate de doigts. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est cool. Non, mais je les ai gardés pas pour en faire. Mec, on ne juge pas. Je trouve ça... Voilà. Non, moi, j'étais team Oof Ball. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Attends, c'est quoi dans les petits ballons? Mais ça, j'adore. On en avait pas aux États-Unis? Bien sûr. Ouais, on en a eu, il me semblait. Généralement, ils sont partis aux States. Les reprises de volée, on se les mettait dans la gueule. Obama. Oui. Oh, belle ref américaine. On voit que tu connais bien les États-Unis. Ouais, bien sûr. Super. Et t'as pas joué à Pokémon Go aux US? Non, j'osais pas. Ça aurait coûté très cher. Victor l'a fait, mais en plus j'aurais dû parce que tu pouvais choper un Tauros qui est exclusif là-bas. Ah oui, oui, c'est vrai. Oh là là. Oui, il y avait des trucs par continent. Ouais. Un Tauros de Joshua Tree, mec. Oh là là. Et d'ailleurs, Harry Potter Go, énorme flop hein, au final. C'est vrai que franchement, j'y ai joué un mois après j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. Ça a existé. Je savais même pas que ça avait existé. J'avais commencé. Il y a eu aussi une version Jurassic Park que j'ai fait pareil un mois. Jurassic Park Go. Jurassic Park Go. Et tu fais quoi? Tu ramasses des dinosaures. Tu te bats contre des dinosaures. Ah ouais. Ouais, ah ouais. Pas du tout Jurassic Park. Et tu perds parce que c'est des dinosaures. Oui, c'est ça, littéralement. Et t'as eu aussi Pikmin Go, un truc comme ça. Enfin, t'en as eu plein. Pikmin, ouais. T'en as eu plein. Incroyable. Ah, mais pour revenir à Pokémon, vous avez vu que du coup, là, à partir de 2023, la dernière saison de Sacha et Pikachu, ça c'est triste, après 25 la fin ans. La fin d'une ère. Vous aviez suivi un peu les dessins animés Pokémon ou pas? Ouais, pas trop. Ah bah petit, ouais. Ça ouais, c'est petit. Petit. Voilà. Oui, ouais. C'est pour ça. Mais j'avais pas vu les films par contre, je sais qu'il y avait des tellement. Films. Oui, c'est ça, mais... Ouais, mais le premier, je crois que c'était le plus marquant. Il y a le fameux film où il y a Sacha qui est en pierre et Pikachu. Moi je connais juste par JDG. Mais il est tellement émouvant celui-là. Il est incroyable. Et il y avait JDG qu'on a parlé. T'as les yeux mouillés. Ouais, ça va. Mais rien que d'en reparler là. Mais peut-être aussi le fait que ça y est quoi. Au bout de 25 ans, ça y est, ça va être la fin de Sacha. C'est fou. Ouais, ça, une ère qui se. Je crois qu'ils ont déjà trouvé les remplaçants. Oui, c'est un gars, une fille. Bon, on verra après. On était sur les pubs et puis on a un peu décroché des pubs. Ouais, mais tu te rappelles d'autres pubs? Bah alors, en fait, moi j'ai ce problème depuis des années que peut-être on va résoudre maintenant. On va voir. J'ai besoin de vous. Je me redresse. Est-ce que les experts sont là? C'est bon, les experts. L'heure est grave. Alors. En fait, j'ai cette pub qui est, oui, qui était dans les années 2000. J'en suis à peu près certain. Déjà, c'est vague, hein. Mais je me rappelle pas pourquoi c'était. Et je me rappelle assez distinctement de cette pub, mais je ne sais pas ce que c'était. Et à chaque fois que j'en parle, personne ne sait me dire ce que c'était. Vas-y, alors, décris-la. C'est une. Souvenez-vous. J'allais dire une bande d'enfants. Fermez tous les yeux, ceux qui écoutent. Voilà. On s'imagine. Alors, je vous mets dans le truc. On est dans une chambre d'enfants. Okay. Voilà, donc il y a la déco d'une chambre classique, une armoire, un lit, etc. Enfin, bon, est-ce que c'est une chambre très simple à dire parce que ça vient de la chambre de Jules ou... Si elle n'est pas en forme de guitare. Exactement. Ok, on voit bien. Okay. Et donc il y a 3-4 enfants qui jouent entre eux. Un peu, ils jouent à se bagarrer, machin, à se battre, je sais pas quoi, tu vois, genre ils s'inventent un peu des aventures. Et en fait, soudainement, il y a des espèces de monstres humanoïdes en 3D mal faites qui débarquent. Quoi ? Du coup, en fait, l'aventure qu'ils sont un peu en train de s'imaginer, elle devient réelle puisque d'un coup, ils sont aux prises avec ces trucs que je pourrais pas vraiment plus décrire à part c'est humanoïde et c'est en 3D pas terrible. Voilà. Wow. Et ils sont en train de se battre avec ça. Et j'ai pas la chute de la pub, mais est-ce que ça vous parle? Je suis choqué de pas l'avoir en fait. Mais je sais qu'il y a l'enfance, la playlist. Finalement. Et puis bon, c'est tout dans une énergie un peu sympa, tu vois, en mode oh là là, ils débarquent, oh non, il faut les combattre et tout c'était machin. C'était plus un jeu de société du coup. J'arrive pas à savoir. Ok. Comme ça me dit rien. Ouais. Ça vous dit rien du tout. T'as des enfants dans une chambre, ouais. Et t'as des monstres humanoïdes en 3D qui arrivent et qui les maravent. Mais non, mais ils les maravent pas. Mais genre, tu vois, ils essaient de rentrer ou quoi. Et puis, genre, les enfants, ils les repoussent. En gros, les enfants, c'est un peu des. Ça me fait penser. C'est des BG, tu vois. vas-y. Au pub Monster Munch. Tu tiens un truc là, tu tiens mais un truc. Je sais pas pourquoi. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Tu vois, genre, au final, dans l'esprit, c'est un peu ça, genre. On a encore eu de la chance. Voilà. C'est un peu ce truc là, goonisien, tu vois, d'une bande de gamins. Un peu en mode qui vivent des aventures, tu vois. Et j'arrive pas à retrouver cette pub et je sais pas ce que c'est. Depuis des années, je cherche et je ne sais pas. Chers auditeurs, chez vous, si vous l'avez, n'hésitez pas à contacter Théo sans la ville. Ah, vraiment hein. Ouais, ou vous envoyez un message sur notre Insta. Ouais, voilà. On se chargera de le contacter. Bien sûr. Avec super. Plaisir. Ça marchera sûrement jamais. On retrouvera jamais cette pub. Ouais. Mais en plus, je suis sûr que, tu sais, genre la chute, c'est un truc à la con. Enfin, le. Ouais, bah c'est la. Ouais. Parce que les années 2000, ça c'était la spécialité. Les pubs qui ont rien à voir avec le produit qu'elles vendent. Genre, il y avait un truc que j'avais revu. C'était une pub. Alors, je vous dis pas. Bah, tiens, je vous dis pas ce que c'est. Je vous dis pas ce que c'est. Je vous essaie de deviner la pub. Alors, c'est un gars qui marche sur la plage. Ok. Il a les pieds dans le sable. Et t'as des plans sur les vagues, tu vois, qui arrivent et tout, machin. Mm-hmm. Une espèce de d'ambiance un peu paisible comme ça. Mm-hmm. Et tu vois que le gars, il est en paix avec lui-même, il regarde un peu vers le ciel comme ça, et t'as la voix off qui dit qu'il a acheté le produit en question et que grâce Mastercard. À ça, il a non bien essayé. Merci. Et que grâce à ça, il a fait un geste pour la planète et que je sais plus, mais en gros, il est en Ouais. Il est en paix avec lui-même parce que machin, voilà. Et du coup, il est comme ça, tu vois, au bord de l'eau, il regarde un peu vers le ciel et tout, et d'un coup, il se fait chier dessus, il se prend une énorme fiente de mouette, j'imagine, dans la gueule. Et t'as un slogan du genre la nature ne vous récompense pas toujours, quelque chose comme ça. Voilà. Oh, c'est pas mal. La nature vous chie dessus, polluez bien. Voilà. Polluez bien. Voilà. Et du coup, bah voilà, essayez de trouver pourquoi c'est cette pub. Attends. Putain. Mais typiquement, ils sont trop forts pour les années 2000, c'est le. La nature. Mais celle-là, on dirait vraiment que c'est une parodie de pub, du coup, genre, ça fait très... Et ben, Tony Glandil, pour ceux qui ont la ref. Oui. C'est des couilles, c'est du béton. Voilà. Ouais, pardon. Ma bite, c'est du béton. Ah oui, ma bite, c'est du béton. Ouais. Ma bite. Ne confondons pas les appareils génitaux, c'est des couilles d'érection, d'ailleurs. Ah, ouais, c'est j'avais ok. Dit. Ok, non, tu l'as pas dit. C'est une pub pour un parfum? Non, pardon, je mange un Oreo. Pas de soucis. Oui, parce que ça faisait gros, ça faisait très parfum le côté balayage. Mais c'est juste le mec se fait chier dessus, c'est moins parfum. En gros, la morale, c'est la nature va pas t'aider, faut que t'aies ça pour. Une voiture? Je sais pas, on dirait une. Oui, c'est voiture. C'est une voiture. Plus tout à l'heure. Putain, c'est une Laguna. Une BMW. Le modèle, franchement, je sais plus, mais en gros. Voilà, en plus, bon, c'était pour Volkswagen. Mais voilà, mais c'est. Ouais, je sais pas trop en fait. Oui. Le message derrière ça. Est-ce que c'est genre. Juste... Soyez pas un loser. Soyez pas une merde. Au moins, si t'es en voiture, bah tu te fais pas chier dessus. Bah, tu as un toit, peut-être. T'es protégé. Ou genre, les écolos, c'est des merdes. Peut-être. C'est possible que ce soit ça. À cette époque-là. Ce serait plausible. Ça arrive. Ouais. Putain, bah voilà, on a fait un beau tour, n'empêche, de la télé des années 2000. Est-ce que vous avez d'autres trucs qui vous reviennent, peut-être pour conclure un peu le sujet? Non, mais après, toujours dans les dessins animés, c'est les Totally Spies, moi, qui m'ont bercé. C'est vrai qu'on n'a pas cité tous les dessins animés. Ouais, mais voilà, mais en fait, moi, les Totally Spies, je rêvais de faire partie de leur équipe, parce que juste d'être au lycée, enfin au collège... déjà avec le déguisement des Totally Spies. Ouais, bah, je pense que ça me serait allé à merveille. Bah, je crois que c'est un kink, encore. Mais non, alors, on va pas... Bon. Il se cosplay souvent. Ouais, non, mais en vrai, genre, c'est juste que d'être à l'école et que d'un coup, t'ouvres ton casier et que tu te fais assurer pour aller sauver le monde. Après. Incroyable. Salut les filles. Ah oui, je savais qu'il l'avait. Excellent. Je savais qu'il l'avait. Voilà, puis, puis elles étaient trop belles en plus, les filles. Donc, alors, le crush de chacun, du coup. Franchement, Sam. Ouais, Team Sam. Team Sam aussi. Non, jure, les quatre. Ouais, Sam, c'était la première fois, on m'a toujours dit Clover. Moi. C'est la rousse, Sam. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, le roux avec le vert, ça marche trop bien. Enfin, ouais, genre. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était la meilleure en fait en soi. Genre, elle était trop forte et tout, elle était plus intelligente. Alex était forte aussi. Hein. Ouais. En fait, Alex, elle était bordélique en mode c'est un peu la fille folle et tout ça. T'avais Clover qui était plus. La chippie, on va dire. Et personne, Team Mandy, non? Mais en vrai, maintenant. Un peu les rebelles. Attends, mais c'est qui la bleue qui vient après? C'est pas Mandy. Hein, c'est une autre. Il y avait une autre. Mandy, pour moi, c'était Violette, non? Non, mais Mandy, c'était la méchante. Quoi. C'est la je crois qu'elle les rejoint, genre un épisode. Comme tout le monde a regardé les Totally Spies, c'est fou. Ouais. C'était trop bien. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais Mandy, trop forte en vrai. Mais juste. Mandy, tous les épisodes, elle finissait, elle se faisait punir parce que c'était une boulie et du coup. Ok, elle est loseuse. Ah, grave. Oh non, Clover. Ouais, il y avait ça, il y avait les super nanas aussi, c'était trop bien. Ah oui, les super nanas. De fou, putain. Énorme banger. Cette époque. Ouais, ouais. Le laboratoire de Dexter aussi. Vous êtes cosplayé comme Belle et Bulle d'ailleurs. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Un peu nos Belle et Bulle. Et je me souviens, oui, moi j'avais. Bah, c'était avec McDo, je crois. J'avais des DVD du laboratoire Dexter et tout. J'avais réussi. Ah, j'ai cru que t'allais sortir. J'avais cru que t'allais sortir. Vous avez pas eu Franck Dubosc, H. Dans les céréales ou des trucs comme ça. Au McDo. Incroyable. Franck Dubosc. Alors, H a très mal vieilli. Ah ouais, je pense. Mais ouais. Qu'est-ce que Franck Dubosc faisait dans ton Pimil? Avant, quand t'achetais un menu Ubisoft, j'imagine, t'avais soit en gros, t'avais bigarmé le paquet. Franck Dubosc, que je vous ai pas raconté. Si. H ou encore d'autres trucs. Non, ça c'était genre si tes parents achetaient en gros un menu best-of plus un Pimil, genre. Enfin, tu sais, fallait additionner deux trucs. Ils avaient leur cadeau. Un DVD. Ouais. C'est vrai que chez mes parents, il y a Bigard met le paquet, je crois que c'est là. Bigard met le paquet. Non, le mieux, c'est Bigard Bourg-Bercy, je trouvais. Oh, putain. Mais t'imagines ton samedi après-midi de rêve quand même, tu vas avec tes parents manger à McDo. Et tu reviens avec Bigard met le paquet. Et l'après-midi. Et tu regardes le soir. C'est vraiment juste un slip, tu vois, oui, un slip blanc. Ça, c'est blanc, l'affiche. Wow. C'est incroyable. Ah ouais, putain. Quelle époque. Ça vient de là, ouais. Je crois que c'est un McDo. Chauve-souris. Non, on va pas commencer. Non, on va pas y aller. On va pas commencer. On va aller sur ce terrain-là. Et de toute façon, on pourra jamais citer tous les dessins animés. Tellement, c'est clair. C'est vrai que je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense. Total Spice, ça a marqué beaucoup. Ouais. Quoi, Esprit Fantôme, personne n'a regardé. Ah non, ouais, j'ai pas. C'était Martin Mystère. Je pense que c'est très Martin Mystère. Mais en fait, tous les trucs un peu. Mais c'est Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, exactement. Avec une vibe un peu où il y a une histoire de monstres, de fantômes, de trucs. Tout ça, c'est cool. Putain. Mais les films Scooby-Doo aussi, hein. Moi, je savais qui fait. Écrit et réalisé par James Gunn d'ailleurs. Le film mais en live action là. Les deux films en live action. Ah, il y en a eu deux. C'est fait par James Gunn. Ah oui. Et t'as des très très claires références à Sammy qui fume de la beuh. Oula, et ouais. Je les ai jamais vus quand j'étais petit. Et maintenant, c'est marrant. Bah, maintenant, en le revoyant, il est terrible, Sammy, dans les films. Il est très bien casté, je trouve. J'aime bien cet acteur. Je sais pas si on peut plus se dissiper que ça, quand même. On est très fort. On est très très fort. Il y a trop de trucs en plus à dire sur la télé des années 2000. De pépite en pépite. Bah non, mais oui, mais plus on parle d'un truc, plus on se souvient de trucs. Ouais, on pourra jamais tout citer, je pense. C'est un véritable ping-pong. Mais du coup, on a fait le tour du coup. Bah ouais, je pense que vous aviez pas d'autres trucs à rajouter. On va parler un peu, du coup, comme c'est la fin de l'année, là, au moment où on enregistre, on va faire des recos classiques, mais aussi des recos des trucs qui nous ont marqué en 2022, puisque ça y est, en big 2022. On termine l'année 2022. Alors on va commencer par ça, et après on passera à vos recos un peu plus globales, qu'on fait d'habitude, les recos un peu plus culturels. Pour vous les gars, l'album qui vous a marqué, l'album musical qui vous a marqué cette année, c'était quoi? Cette année? Oui, en 2022 précisément. Attention. Est-ce qu'il est sorti en 2022? Mais il y avait un album il n'y a pas longtemps de Charlie XCX qui était vraiment cool. C'était pas 2021. Je pense que c'est 2021. Je vais regarder si tu veux. Je sais plus. C'est Crash, je crois qu'il s'appelle. Je vais regarder tout de suite, je te le dis. Vas-y, continue à expliquer l'album. Non, en fait, c'est. On t'en voudra pas si c'était en 2021. En gros, Charlie XCX, c'est. C'était 2022. Donc c'est 2022, voilà. Bravo. Et sinon, son album d'avant était très hyper pop. Et de toute façon, l'hyper pop, c'est tellement large. Ouais, que, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et vraiment, cet album-là, le dernier, là, je l'ai trouvé. Voilà, il est un peu moins niche. Il est un peu plus écoutable, justement, quand toi, t'as pas trop les codes de l'hyper pop. Et vraiment, trop trop bien, quoi. Ok. Genre, ouais, y'a rien à dire. T'as un titre en particulier qui te revient ou... Ben, et je sais que je suis pas ultra fan de ce qu'elle fait d'habitude, mais il y a un featuring avec Christine and the Queen qui est vraiment incroyable, quoi. Ok. Bah, merci pour le recours. Et Carolina Polacek, je crois aussi. Enfin, elles sont trois meufs sur le feat et vraiment. Je l'ai poncé, quoi. Ouais, c'est ça. On va streamer ça fort, bien sûr. Voilà. Évidemment. Par exemple. Et toi, Théo? Du coup, moi, un album que j'ai bien bien kiffé cette année, c'est le dernier album de Stand Atlantic, qui est un groupe de pop-punk australien. J'aime beaucoup ce qu'ils font, et c'est un peu cette nouvelle vague du pop-punk, où justement, ils n'ont pas peur de se frotter à d'autres styles de musique. Sonorités, okay. Tout ça. D'autres ouais. Sonorités. Ouais. Et voilà, du coup, l'album s'appelle F-E-A-R. Avec des petits points. J'ai cru que t'allais hurler dans le micro. Ouais. L'album s'appelle parce qu'ils ont vraiment voilà. Pas peur de tout tenter, quoi. Voilà, et donc c'est. Du coup, ça s'appelle Fear, donc. Voilà, c'est ça. Pas peur. Et du coup, c'est l'acronyme pour Fuck Everything and Run. Oh. Voilà. Okay. Et il y a vraiment des tracks vraiment trop cool sur cet album. Et si tu devais en citer une ou deux ? Il y a Pity Party qui est super cool. Oui. Faut le sentir, Hair, ouais. Hair Out. C'est pas le même album. C'est un précédent album, celui-ci. Il date un peu plus. Et la première track. J'essaie de retrouver le nom en même temps, mais je l'ai plus. Attends, vous voulez faire un truc un peu jazzy? Ouais, par exemple. Ouais, mais on dira ça la première track, quoi. Oh là, je suis emporté, je suis emporté. Mais dès qu'il y a du jazz, moi j'arrive pas. Je suis désolé. Et ben je l'aurais pas, mais voilà en tout cas. Doomsday, voilà. Doomsday. Allez, ah ouais, super sur bravo. Le gong. Bien joué, voilà. on a failli te couper à ce moment-là. Ouais, donc... ouais, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Allez streamer ça lourd également. Très bien, merci pour cette recommandation. Jules, toi, de l'album qui t'a marqué Qu'est-ce que c'était? Ah oui, bah moi c'est un peu de la triche du coup, parce que c'est l'album déjà vu de. Oh, alors ça va. Quelle triche Déjà vu de Novelist. Yes. Qui en fait c'est un peu de la triche parce qu'en fait ils ont sorti un peu tous leurs meilleurs sons de l'album je trouve sur la durée genre sur je sais pas combien de temps. Non mais ok tu juges. Okay. Ouais non mais ça va. Ouais. Et du coup en fait ça fait qu'on s'est retrouvé à la fin avec un album où il y a où il reste quand même deux morceaux à découvrir mais où les autres sont pas à proprement parler des morceaux mais plutôt des interludes. Ok. Et mais du coup ouais, c'est un album bah c'est Hérétique de moi je recommande du coup Hérétique de Novelist qui est le morceau que j'ai le plus écouté sur mon Spotify Wrapped 2022. Je crois que je vois donc, voilà c'est du metalcore progressif je crois qu'ils se définissent comme très, ça très très bon guitariste oui oh, bah ils ont deux ouais, deux bêtes de guerre des solos ouais, ouais. C'est ça que j'avais kiffé c'est de réécouter parce que en fait ça reste impressionnant ouais. Un solo de guitare tu vois genre Moi, ça m'a un peu rappelé Avenged Sevenfold de ouais et voilà nouveau chanteur nouvel album voilà ça déchire c'est la grande frappe. Ok, yes. On ira écouter ça. Et alors toi, mon plaisir. Petit salaud là. Bah moi, je suis un peu plus casu. Alors, c'est l'album de Big Flo Oli, toi. C'est Big Flo Oli, ouais. J'adore ça, la famille. Ah bah, ils ont un sample de BMTH. Ah oui, oui. Tu m'as sorti ça, ouais, c'est fou. Non, moi, c'est We Love the People de Muse qui est sorti cette année, du coup. Et qui... En fait, j'aime beaucoup. Mais il est derrière, Muse, non de... Oui, il est là. Ah, voilà, là. Juste là en vinyle. J'ai beaucoup de vinyle à la maison. Yes. Et en fait, ouais, j'aime beaucoup Muse de base. Et c'est vrai que l'album juste avant celui-là était un peu plus décrié. Il était plus électro et tout. Moi, j'aimais bien parce que j'aime bien aussi l'électro, donc ça me plaisait. Et là, ils sont revenus un peu aux bases avec du bon rock, bien oui. Qu'ils savent faire, quoi. Mais c'est ça, c'est que je crois que le clip promo, un des premiers clips qu'ils avaient sorti en mode retour. Ouais. Il y avait un rythme presque métal et j'étais en mode mais what the fuck. Comment il s'appelle cette track d'ailleurs déjà ouais. Attends ouais, je vais te ressortir les tracks parce qu'en fait il y en a une qui est particulièrement genre où il y a un solo de guitare de ouf et tout bah, c'est et la dernière l'album mais vraiment je m'étais dit les mecs ils reviennent en mode voilà ils avaient fait un truc un peu presque synthwave ouais. sur l'album d'avant et là ils arrivent avec des guitares c'est en mode bah ouais. Muse voilà Muse. Mais en fait c'est Muse qui revient tu vois ouais. En force et je trouve déjà ouais. Oui Killer Be Killed ouais. C'est très ouais. Métal et il y a un bon solo dedans ouais, comme Mathieu Bellamy c'est ah bien bah, faire c'est... Ouais, il est parce qu'il est très bon quand même à la guitare très, faut fort. Bien l'avouer il chante très très bien ouais. Et je trouve que l'album est vraiment pas mal vraiment ouais, super chouette vraiment trop bien quoi c'est du bon Muse quoi enfin franchement j'ai rien écouté je suis pas du tout allé l'écouter encore à part le rock guidage voilà ouais et ouais bah Killer Be Killed c'est une de mes préférées qui est très métal et puis qu'est-ce que je peux citer d'autre en titre parce qu'elles sont toutes bien en fait wow. Non, Verona après qui est bien plus calme qui est bien plus douce si vous yes. Aimez un peu le rock okay. Un peu plus romantique et sinon il y avait aussi un là si c'est un peu plus précis je suis allé voir en concert le groupe The Who qui est un groupe mongol, hein, pas The Who. Ah d'accord. The okay. Who, d'accord. H-U, mm-hmm. Qui est un groupe mongol qui commence à être bien connu, qui font du heavy metal rock, enfin du heavy metal mongol. Donc en fait en faisant du chant, alors attends, je suis sur leur Wikipédia, okay. Qui font du chant de gorge, qui ouais. S'appelle du kumi. Mais du coup, ils font deux voix en même temps, des fois, très bizarre. Ils chantent, c'est fou à voir, et en concert, c'était énorme. Ils font des voix genre. Et ils ont un niveau de ouf, de stylé. Tout, batterie, guitare. Ils jouent une sorte d'instrument bizarre avec deux cordes. Il y en a deux qui jouent ça, et ça sonne trop bien, c'est fou à voir. Et donc, je suis allé le voir au Transborder, et on a la chance d'avoir le Transborder à Lyon qui programme vraiment des trucs de ouf. Et ils ont sorti un album donc, qui s'appelle Rumble of Thunder, qui est sorti cette année. Et je vous conseille du coup dedans. Et je vous conseille Triangle, qui est ultra... En fait, c'est fou parce qu'au concert, tout est assez... Enfin, quand on est allé au concert, on entendait des chansons très style mongol à rock, tu vois, mais un peu leur style, donc qu'on connaît pas trop. Ouais. Et d'un coup, ils font Triangle, qui est assez pop. Et tu fais, oh putain, c'était fou. Et d'un coup, c'est tout le monde était content et tout. Donc Triangle, je vous la conseille. Et cool. Puis, je peux vous conseiller quoi Black Thunder, qui est la musique qu'on entend dans Fallen Order, Jedi Fallen Order, le jeu. Oh. Voilà, qui est trop bien comme musique. Qui est à 5 euros. Là, qui est très... ouais, dis donc. Mais qui est très métal, bien lourde et tout. C'est trop cool, quoi. Je vous conseille The Who. The H-U. Ok. Voilà. Le film qui vous a marqué vous cette année. Alors c'est vrai que quand on en a, enfin moi je repensais à cette année 2022 en termes de films, il y en a pas tant qui m'ont marqué en fait. Oh là c'est là, pas une année folle. Moi clairement il y en a un. Hein. C'est vrai. Vas-y. Everything Everywhere All at Once. Ah ben voilà, c'est ce que je l'ai pas dit. Vraiment en fait. Enfin. Après, sinon rien d'autre. Okay. Bah, alors je sais pas quand le podcast va sortir, sur mais la semaine prochaine normalement. Ouais. En tout cas, je sais que la semaine prochaine, techniquement, nous, on va aller voir Avatar aussi. Ah bah oui. Ouais, et donc peut-être que ça va changer la donne. Bon, mais outre Avatar, du coup, est-ce qu'il y a un autre film? Mais sinon, non. C'est vrai qu'on est allé le voir ensemble, Everything Everywhere All at Once, et vraiment. C'est frais. En plus, je crois que le film a pas eu un énorme budget et ils ont fait un truc incroyable. Okay. Le petit résumé peut-être si tu peux juste pour vite fait. Je sais qu'il est dur à résumer. Ouais, c'est ça. Mais en gros, au départ, c'est l'histoire d'une mère et de sa relation avec sa fille en fait. Okay. Et c'est juste que on se rend compte qu'il y a plusieurs dimensions. Au départ, mais même tout le film, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est la trame et l'évolution des personnages, c'est la relation mère-fille. Okay. Et déjà, je trouve que c'est cool parce que c'est pas un sujet qui est tant traité que ça dans les blockbusters, enfin dans les gros films de cinéma. Ouais. Et genre, je trouve ça assez frais. Surtout, enfin, c'est con, mais en tant qu'homme, du coup, t'as jamais ce truc-là dans ta vie. C'est cool à voir aussi. Et au-delà de ça, en fait, il y a un bail de... Il y a un multivers. Ok. Et en gros, t'as plein de versions de toi-même dans le multivers. Et cette dame, elle a plein de versions en fait, qui ont réussi dans des trucs. Ok. Genre, elle a été... en fait, là, elle a une vie un peu pourrie. Elle est... Enfin... Sans jugement, mais en gros, c'est comme ça qu'elle est dépeinte, c'est comme ça qu'elle se ressent aussi. Okay. C'est qu'elle a une vie assez monotone, elle gère un lavomatique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, une laverie, c'est de linge. Ah, une laverie. Ouais, une laverie, ouais. Lavomatique. Ouais, c'est ça. Ouais, je pensais à la lavomatique. Voilà. Et en fait, du coup, en fait, elle, c'est la pire version d'elle-même dans tous les univers. Elle a rien réussi parce qu'en fait elle a fait que des mauvais choix. Et en fait, genre, à chaque fois tu découvres qu'en fait avec un petit pas à gauche sur un trottoir, en fait elle rencontrait quelqu'un et elle devenait une grande actrice et machin. Et du coup le truc c'est que tu peux via un dispositif qu'une version d'elle méga scientifique de ouf a créé, tu peux choper les capacités de tes autres toi dans les autres univers. C'est ça. Et du coup, elle a une version d'elle qui est master de kung fu et du coup elle peut se battre dès qu'elle active le truc et qu'elle va. Enfin voilà, elle et genre c'est trop kung cool parce qu'il y a plein de. Il y a tellement de possibilités du coup. Et franchement, ce film est super. Innovant c'est l'histoire en fait. Conflit de famille qui se transforme en conflit physique. Ouais, aussi, tu vois. Conflit global. Dans un multivers. Ok, c'est assez stylé. Et je pense que ça spoil pas trop, mais ça donne vrai. Ouais, franchement, faut le voir, je pense. Ouais. Ouais, bah, c'est l'occasion. C'est très intelligent dans l'humour, c'est super bien dosé, c'est assez actuel, mais je pense pas que ça devienne has-been non plus. Enfin, tu vois, il y a ce truc un peu genre. Je pense pas qu'il peut devenir ringard le film, tu vois. Il est très. On en reparlera dans quelques années. Ouais, on verra bien. C'est vrai que. En fait, il aborde beaucoup de sujets de fond qui sont pas souvent abordés au cinéma. Et Vraiment, je pense que c'est ça va pas, ça c'est le, comment dire, ça va pas être ringard tout de suite, quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est très original pour le coup, en plus. Ouais. Bah en plus le multivers, il y avait cette année, il y a eu Doctor Strange qui est sorti et apparemment il abordait mieux le multivers, Everything Everywhere abordait mieux le multivers que Doctor Strange, ce qui est fou. C'est dommage parce que c'est c'est ça le multivers. Doctor Strange c'est quand même bon, c'est dans le titre, tu vois. Oui, c'est ça. C'est con. Après c'est pas les mêmes Oui, c'est pas la même manière de les aborder. Pas le même cahier des charges aussi, on peut pas, on va pas juger, nous on aime bien Marvel. Non. Et c'est réalisé par les Daniels en fait, Everything Everywhere, et c'est les mecs qui avaient fait Swiss Army Man. Ah, trop bien aussi. Ah, trop bien, je l'ai pas vu, mais avec Daniel Radcliffe qui est un couteau suisse, quoi. Ouais, qui est genre mort et qui est un couteau suisse humain. C'est trop bien. C'est complètement fou à voir, c'est avec Paul Dano aussi, du coup. Ok, il faudra que je regarde. Que je vous conseille, du coup, si vous avez aimé, je pense. Moi film. J'en ai un. Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord. Alors, attention, moi je vais me taire parce qu'on on juge pas les avis des gens. Moi, en fait, je voulais parler d'un film que. Alors, Clément, il est catégorique qu'il a pas aimé. Ouais, moi je le dis tout de suite. Ouais, j'ai pas du tout aimé. Et moi, je l'ai trouvé plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est Barbarian. Ah non, rien à voir. T'allais dire quoi, t'allais dire quoi? J'allais dire nope. Ah, parce qu'il il a beaucoup. Il a divisé, il a beaucoup divisé. Moi j'ai aimé nope. Pardon, du coup, rien à voir. Vas-y. Moi j'ai aimé nope. Non, c'est Barbarian. Qu'on peut trouver sur Disney+, d'ailleurs. Qui est un film. Et qui est un film, en fait, une femme prend Airbnb. Elle arrive dans une ville de nuit. Une ville glauque, déjà, de base. Oui. Ça commence déjà. C'est la nuit, en plus. Et en fait, il y a déjà quelqu'un dans son Airbnb. Et c'est qui est cet homme, et déjà c'est le mec qui joue ça, c'est Bill Skarsgård. Déjà ça commence donc, bien. Donc tu dis bon, mais en civil, ça va, il est plutôt gosse, mais il a un sourire un peu bizarre, tu vois, de base. Et naturellement le gars. Et puis il tire un nœud sans arrêt comme ça, comme tel un clown dans ça. Voilà. C'est un véritable clown. Il a un nez rouge en plus. C'est une histoire de nœud en plus. Je veux pas en dire trop, mais du coup ils vont commencer à parler et tu vas dire est-ce que ce gars est bon ou mauvais, etc. Et le film va te prendre par surprise tout en te parlant un petit peu du rapport qu'une femme, tu vois, toute seule aurait un homme, tout ça. C'est assez intéressant. Il y a de la masculinité toxique et t'as un rapport homme-femme qui je trouve intéressant, mais t'as quand même une dose série B et je veux pas en dire plus. Ouais, voilà. Ouais. En fait, c'est ça qui ça m'a un peu dégoûté. C'est vrai qu'il y a des très bonnes thématiques et tu dis putain, pour un film d'horreur, c'est bien pensé. Et après, tu fais ouais, mais le reste. C'est tellement prévisible et série B et c'est ridicule à des moments. Et tu fais non, ouais, à ce point. Il y a un moment, ça devenait drôle. Moi, je l'ai regardé à Halloween avec des potes. Du coup, c'était en plus en mode on rigolait du truc. Ouais. Mais des fois, c'était en mode tu prévois les trucs. Mais c'est vrai qu'il y a des thématiques abordées qui sont ultra originales et qui sont beaucoup d'actu. Ça me fait plaisir, j'ai envie de te prendre la main là. Il a changé d'avis. Je peux pas dire que c'est un film que j'ai aimé en tout cas. J'ai aimé ce qu'il m'a proposé quand même. Et puis en plus, c'est un peu le retour. Alors je sais pas comment s'appelle cet acteur, mais le mec qui joue dans Accepted. Mais là, j'allais dire, à tout prix, là, je cherchais son nom parce que justement, ce personnage, t'es en mode c'est mais bien. Je me disais, je trouvais qu'il jouait bien. Et je me disais, c'est un mec qui sort des films à. Qui était dans Die Hard, il était dans Die Hard 5, je crois. Ah bon? Tout comme ça. Si on pense au même. Je vous le dis. Moi je te parle du. Non, mais attends, ne spoil pas plus que ça. Je parle du bateau. De Justin Long. Justin Long. Oui, je pense que c'est lui. Oui, tout à fait. Oui, je sais pas si voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Accepted, où il recrée une fac là. Qui était, dans Die Hard 4. Die Hard 4. Il faisait peut-être le fils de Bruce Willis. Ah ouais, comme ça. Enfin, genre, c'était censé être la relève un peu de Bruce Willis. Ça n'a pas pris du tout. Ça n'a pas pris. Non, pas du tout. C'est tout, voilà. Ok. Prochaine reco. Moi, quand j'ai listé un peu les films que j'ai vus cette année, le plus qui est sorti et qui m'a marqué, on va dire, c'était The Batman, en fait, que j'ai vu en début d'année, en plus, je crois. Je sais plus à quel moment il est sorti. C'est vrai que c'est celui qui a été, moi, je trouve, le plus marquant en termes de. Moi qui suis un fan de comics. Vous pouvez voir derrière vous. Ouais. Je trouvais que ça changeait vraiment des autres films qu'on a l'habitude de voir en films de super-héros et tout. Là, pardonnez-moi l'expression, ça mettait les couilles sur la table et ça. C'était dur, c'était violent, c'était du Batman, quoi, tu vois. Et la scène d'intro est énorme. Visuellement, il y avait des trucs vraiment cool. Moi, je l'ai trouvé long. Je trouve mais c'est vraiment un problème de chez DC à chaque fois, c'est qu'ils font une sorte de quatrième acte où, genre, t'as l'impression que le film est fini et non, il y a re 30 minutes et tu dis. Pourquoi c'est vrai que le dernier acte quoi. Est un peu décevant. J'ai trouvé ça aussi. Mais ça, mais en fait, c'est le bémol du film. Ouais, mais en Il y a ce côté. Oh, les gens, ils ont payé. Ouais, on va leur resserrer un durable. En plus, gros spectacle pour la fin. C'est vraiment. C'est nécessaire. Parce que tout le reste était assez innovant et ça jouait plus sur un film un peu d'auteur en plus. Donc, c'était cool. Et là, c'est vrai que la fin, après, ça fait plus film d'action et tout. Mais en vrai, après, bon. T'as l'arc autour du pingouin aussi, qui, je pense, peut être un peu raccourci pour ce qui sert. En fait, c'est ça. Je l'ai trouvé un peu longuet. Après, c'est vrai que, par contre, visuellement, ça cherchait à créer quelque chose. Et ça, c'était cool. Ah, ça montrait un Gotham ultra glauque, ultra crade. La pègre était. J'ai envie d'en voir plus. Moi, je me dis, c'est bien. C'est un bel univers qui s'installe. Donc, moi, c'est celui qui m'a vraiment marqué parce que vraiment la musique est ouf. Je la réécoute de temps en temps. Enfin, la reprise de Nirvana. Non, ils utilisent Nirvana en reprenant en version orchestrale et tout. Enfin, ça marche bien. Je sais pas, après. Et Pattinson, je le trouve vraiment plutôt bien. Est très bon. De toute façon, moi, c'est un plus en Batman qu'en Bruce Wayne, mais je trouve qu'en. Ça marche. Ça va. Ouais. Mais, j'aurais juste enlevé la réplique. T'es pas mon père, Alfred. Voilà. Ouais. J'aurais peut-être viré ça. Ouais. Il fait un peu. Mais sinon, on va se prendre. Ouais. Voilà, c'est celui qui m'a marqué. La série qui vous a marqué ? Moi, je vais dire. Parce qu'il y a eu des grosses séries cette année. Vraiment, on a lu pas mal qui est dans les tops en haut, c'est House of the Dragon, mais je ne l'ai pas vu. Donc. Non, mais moi, pour moi, je vais dire Les Anneaux de Pouvoir, mais parce que c'est. Il y a vraiment ce truc. Comment dire ? Assez nostalgique de l'univers du Seigneur des Anneaux. En plus, que je sais pas, j'ai découvert assez tard au final le Seigneur des Anneaux. Par mon ex qui était méga fan, mais méga fan de fou, et qui m'a transmis au final. De ton enfance et de ton ex. Quand quelqu'un est passionné. Régler des conflits. Quand quelqu'un est passionné par quelque chose, il arrive, il peut te transmettre vraiment le truc. Et, voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment kiffer le Seigneur des Anneaux. Et là, en fait, t'as tellement de rêves, de trucs que t'entendais dans le Seigneur des Anneaux. Genre l'ancienne cité de Numenor et tout ça, enfin des trucs que j'aime bien, c'est que la série elle prend le temps, elle se précipite pas là où on est à une époque aussi où souvent il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent à la seconde et tout ça. Là ça prend le temps de te montrer les choses et tout ça, donc il y a des épisodes où ça n'avance pas tant dans l'histoire, en fait, mais c'est plus pour développer les persos. Je me dis, c'est Tolkien, donc c'est beaucoup de descriptions, machin. Sûr, 40 pages sur les vidéos Hobbit, machin. Ouais. Et c'est une saison 1, donc je me dis, ça prend le temps. Enfin, c'est son rôle aussi de saison 1. Tu vois, Game of Thrones, je trouvais ça trop long aussi. Tu es machin Stark de la famille, machin Baratheon. Et t'es obligé sur la saison 1. Est tellement large. Mais ça m'avait cassé les couilles aussi sur Game of Thrones saison 1. Après, j'ai regardé la suite, c'était mieux. C'est pour ça, en fait, j'attends la saison 2, mais pour l'instant. Ça très beau, je kiffe trop d'urine, mais c'est pas pour l'instant. Moi, c'est vraiment la série qui m'a marqué cette année. Je trouvais vraiment. C'est pour moi. J'ai pas vu House of the Dragon, mais pour moi, les images, c'était du cinéma, genre en série. Ouais. C'était fou. C'était tellement beau. Moi, ça me faisait. Ça nous a tous fait peur de se dire putain, une série Seigneur des Anneaux, ils peuvent la massacrer. C'est risqué. Et pour l'instant, je trouve qu'ils ont pas fait trop d'erreurs. Alors après, les ultra fans de Tolkien vont dire que c'est. Genre c'est n'importe quoi parce qu'ils mélangent des trucs du deuxième âge et du troisième âge. Tu peux juste pas faire une série. Tu veux dire les nerds. Non mais en fait tu peux juste pas faire une série qui avance et qui a un scénario cool si tu suis littéralement ce qu'a écrit Tolkien parce que moi je trouve ça déjà lent. Je me dis putain si là c'est compressé la timeline sur 1000 ans qu'ils ont c'est ça compressé 1000 ans c'est ça c'est juste, trop long. En fait faudrait changer de personnage à chaque épisode parce que c'est passé 100 ans entre voilà les humains pourrait pas donc moi je trouve que pour l'instant il y a pas trop de et sinon House of Dragon c'est vraiment pas mal, enfin je sais pas si toi t'as c'est de ça dont je voulais parler je te laisse en parler du coup. Non mais allons-y alors j'ai pas fini encore de regarder ce que je trouve vraiment incroyable c'est... je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai adoré Game of Thrones pour le coup et moi j'aime bien la longueur j'aime bien dans l'écriture que vraiment ça prenne le temps de poser les choses très bien. Franchement, je peux avoir 3 épisodes de contexte et de jeu politique, machin, non, ça me dérange pas du tout. Tu trouves ton compte. Ouais, franchement, je trouve ça ok. Devinez qui est au chômage. C'est moi, mon pote, qui a beaucoup trop de temps, c'est moi. Ah, et puis, là, du coup, je savais pas à quoi m'attendre. Mais j'étais hypé, tu vois. Il y avait un peu cette hype du public un peu de Game of Thrones. Et dès le premier épisode, mais j'ai été embarqué direct. Ah ouais. Et vraiment, en fait, pour moi, c'est... Ils ont réussi, c'était très difficile à faire, mais ils ont réussi à garder vraiment cet esprit que j'aimais vraiment, vraiment dans Game of Thrones dès les premières saisons. Et que peut-être je trouvais moins dans les deux dernières saisons de Game of Thrones. Ils ont réussi à réinsuffler ça, je trouve. Je trouve ça vraiment cool. Et putain, c'est trash, quoi. C'est cool. Ouais. Moi, j'aime bien. Non, putain. En vrai, c'est méga bien géré. Il y a encore des trucs un peu tabous et tout. Je trouve ça cool qu'ils se mouillent là-dessus. Et voilà. Ouais. Ça aborde des nouvelles thématiques qui n'avaient pas été abordées encore dans Game of Thrones. Complètement. Qui sont cool autour de la femme, du rôle de la femme. Dans la politique. Dans la politique, bien, ouais. Dans les arrangements, etc. Ouais, c'est méga bien fait. C'est méga intelligent, je trouve, comment c'est amené. Ouais, c'est clair. Ils ont vraiment amené des nouvelles choses, mais en gardant l'esprit. Trop bien, trop bien. Il y a vraiment beaucoup de... J'ai l'impression que c'est un peu plus jeu politique que Game of Thrones. Enfin, il y a moins de bastons, il y a beaucoup plus de trucs qui se passent. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est méga intéressant aussi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais. Et les acteurs sont super. Les acteurs et actrices sont super et super. Et vraiment... Non, ils ont pas fait la connerie de... Enfin, je pense que ça aurait été une connerie de prendre, tu vois, de caster peut-être des figures plus... Connues. Ouais, avec plus de fame. Je pense que ça aurait pas servi le truc. Là, c'est cool, ils ont, tu vois, c'est mis de... Bah, t'as que Matt Smith. Ouais, c'est ça, il y a Matt Smith. Ouais. Justement, oui, c'est la seule tête et moi, ça m'a un peu... Ça, pour moi, ça m'a un peu justement sorti parce que justement l'habitude de le voir en Doctor Who, même si je regarde pas. Ben, par exemple, voilà. Dans les premières scènes, j'étais en mode j'y crois pas, et en fait, si, après, parce qu'il gère trop bien son personnage. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours. Dedans, mais heureusement qu'ils ont pas, tu vois, après. Ouais, après d'autres trucs. Plusieurs autres figures connues. Parce que plus du coup, tu crois tout de suite au perso parce que tu reconnais pas quelqu'un, donc ça te met tout de suite dedans. Là, j'avoue que c'est très cool là-dessus. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans Les Anneaux de Pouvoir, en fait. Aussi, t'as aucune tête d'affiche dans c'est les vrai, Anneaux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Même d'ailleurs, il devait y avoir Will. Smith. Will Smith, non, c'est le mec qui va jouer Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Will Poulter. Will Poulter, voilà. Celui qui a les yeux un peu bizarres. Ouais. Pour pas le juger, mais bon, pour le reconnaître. Il arrive. Mais oui, lui, il devait jouer, je crois, un des elfes, je sais plus qui. Et du coup, il est pas venu. Enfin, ils l'ont recasté, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est que des inconnus et qui se jouent méga bien. Ouais, c'est ça. C'est que des inconnus qui ont de la gueule, quoi. Enfin, c'est là, ils ont dévoilé un peu le nouveau casting de la saison 2. Ouais. C'est que des gueules, quoi. Ouais. En fait, ils les cassent, je pense, pour ça, et puis pour le fait qu'ils jouent très bien. Je trouve. Ouais. Toi, tu trouves qu'il y a des gens qui jouent pas si bien. Ah. Attends, on est sur quoi, là? Les Anneaux de Pouvoir, pardon. Ok. Je trouve Galadriel est très Batman, quoi. Très caricatural, Oui, mais c'est son. Ça me choque pas trop. C'est comme ça qu'elle est écrite, je pense aussi. Hein, quand tu le regardes, Les Seigneurs des Anneaux, genre, c'est très spécial. C'est Kate Blanchett, je crois qu'il a joué. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pareil, son perso est très spécial de base. Donc en fait, Ouais, je me serais dit. C'est-à-dire, tu trouves 2000 ans avant. Ouais. Trop grandiloquent, genre trop. Bah, elle est trop. Un peu trop badass. Un peu trop Bruce Wayne. D'accord. En fait, un peu Captain Marvel au début, tu vois. D'accord, ok. Un peu en mode. Elle sait pas qu'elle se laraque, mais oui, c'est. Oui, mais elle va avoir une évolution, de toute façon, c'est prévu. Oui. Très frontal, machin. Pour, hein. Et du coup, pas ultra intéressant. Ouais, mais tu vois, c'est pour en arriver à la Galadriel qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, qui est ultra calme et ultra. Enfin, et qui pète un câble à un moment. Qui a une sacrée gueule, ouais. C'est normal, tu vois. C'est écrit pour 5 saisons. Donc, oui, c'est ça qui est bien aussi, mais je crois qu'ils font pareil aussi pour House of Dragon. C'est trop bien en fait de laisser aux scénaristes, genre, ils leur donnent t'as ça et tu m'écris ça et voilà, et on pourra financer ça. C'est trop bien en fait. Enfin, eux, ils doivent être trop contents de c'est vrai que en plus, les deux sont sortis un peu en même temps. Et j'avoue que j'étais mais moi, j'étais vraiment en mode le dimanche, j'avais House of Dragons. Non, c'était le lundi peut-être. Et genre, enfin bref, du coup, c'était en fin de semaine, je crois. Les Anneaux de Pouvoir en début, enfin, je sais plus. C'était ça, du coup, genre. j'étais trop bien, quoi. J'attendais la fin de semaine avec impatience. J'étais en mode, ok, j'ai mon petit jour à notre pouvoir, petit jour House of Dragons. C'était bien, hein. Oui, j'avoue c'est que ça deux fait un bonnes petit séries sympa. De qualité, plus, hein, c'est fou. Et les deux sont super bien. Donc, ok, toi, en parlant de ça, moi j'avais. C'était quoi, t'avais fait House of Dragons? Ouais, du coup, voilà. Ah. Moi, pareil, j'ai mon petit rythme, et moi, c'était plutôt vers l'été, où j'avais genre The Boys le vendredi, Stranger Things le mercredi, et du coup, Marocco, c'est Stranger Things saison 4. J'avoue, même si The Boys, c'était trop bien aussi. Ouais. Mais Stranger Things saison 4 était Vecna. Vraiment, je trouve, pour moi, la meilleure saison. Ouais. Et c'est la plus aboutie, je trouve, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et, il y a tout ce qu'il faut. Pourtant, c'est la plus longue, et je sais que ça devrait me saouler. Mm. Parce qu'il y a vraiment trop de contenu. Et je trouve, je dis un peu pas très fort, mais Vecna, vraiment très bon perso, je trouve. Enfin, très bon méchant, quoi. Ça marche super bien. Le plus incarné, c'est pas juste un monstre là. Ouais, voilà. En plus, il est humanoïde. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, ils sont tous en pure adolescence. Je les trouve tous chum, les gars. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Ils ont pas changé le cast, hein. C'est bien. Non, mais en même temps, tu vois, je me dis, c'est réel, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment vieilli avec la série. J'étais bien chum aussi, hein. Fut un temps. À mon époque. Et par contre, pure histoire, j'étais trop content. Les personnages, tu t'y attaches et tout. T'es grave dans la série tout du long, alors qu'encore une fois, ça dure une plombe. Puis voilà, tu vois, t'as la musique, t'as tout ce qu'il faut. T'es content. Moi, franchement, j'ai tout kiffé. Vous pensez juste... que Stranger Things, ça peut, genre. Comment dire, c'est déjà un banger. Un banger, mais je veux dire un truc un peu générationnel, etc. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que ça a vraiment le potentiel de devenir vraiment une des séries qui ont marqué vraiment une génération complète ou pas? Au même titre que Game of Thrones, genre. Parce que Game of Thrones, même si la fin, on est tous un peu déçus, mais il y a quand même. Genre, Game of Thrones, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde. Enfin. Est-ce que c'est Stranger Things 8 saisons, un truc comme ça. Donc ça a eu le temps, tu vois. Stranger Things dans genre 2 saisons, en vrai, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu plus de contenu, genre un bon final. Genre au bout de. Ouais. Possible. Ouais. Par contre, c'est vrai que moi, sur cette saison-là, j'ai trouvé que ça ramait au début parce qu'il y avait ce truc un peu de la fin de la saison 3, c'est. Ils ont vaincu le méchant. Et. Juste t'as un plan à la fin qui retourne dans l'Upside Down en mode en fait pas tout à fait, il y aura peut-être une saison 4 si on a le budget et du coup il y a une saison 4 et faut retrouver un méchant, il faut recréer un méchant qui vient d'avant, enfin genre qui vient de plus et du coup je trouvais qu'au début en fait genre le méchant est trop bien mais juste en fait ça me fait toujours un... et du coup ils arrivent à dire oui mais en fait c'est lui depuis le début qui du coup t'es là. Moi, c'est ça qui m'avait pas vraiment plu parce que j'étais en mode. Enfin. Bah, c'est en mode. Ça rame en mode. Ouais. Gros monstre et maintenant c'est toi qui fais les meurtres. Mais après, les auteurs avaient dit. Enfin, les scénaristes avaient dit qu'ils avaient prévu Vecna depuis le début. Mais j'ai du mal à y croire un peu. Oui, c'est comme tu Marvel sens un peu qui le truc, dit que l'enfant dans Iron Man 2, c'est Peter Parker. Tu sens que c'est un peu. Ouais. C'est ça. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mais après, peut-être que c'était prévu. Mais moi, j'ai vraiment eu ce truc de. Vas-y, du coup, c'est bon, ils ont vaincu le méchant, leur vie va bien. Oh, en fait, non, il y a un autre méchant, et oui. Et voilà. L'autre huile. Ouais. Mm. Mais après, sinon, très. Très bonne saison. Très bonne saison, quand même. Ça fait plaisir. Ouais. Le jeu qui vous a marqué, le jeu vidéo, est-ce que vous jouez un peu 2022, alors, je suis pas un gros gamer. Hein. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué? Tusmo. C'était la grosse année des jeux, des jeux navigateurs. On a vraiment une conversation sur Messenger avec des potes. Sémantics et tout. On joue à Tusmo. Alors, par contre, faut pas citer Sémantics. Non, je déteste ça. Je le déteste. Et Pédantics, est-ce que tu aimes bien? Horrible. Mais tout ce qui finit par Antics. Mais je suis avec toi sur les deux. Moi, j'aime bien. J'aime bien Pédantics. Faut retrouver un Wikipédia en gros. Ouais, ça, c'est rigolo. C'est trop bien. On a une con, on est quatre. Vraiment, il y a... on s'envoie tous les jours les résultats du Tusmo et après ils mettent des trucs de Pédantics et je rage. Cassez-vous avec le jeu de merde. C'est ce que c'est Tusmo et tout, c'est bon. Non, je vois pas. Alors c'est comme Motus, c'est genre t'as une grille, t'as une première lettre, faut trouver le mot, tu testes genre un mot qui rentre dans le nombre de cases et ça va te dire, ça va t'afficher en jaune les lettres qui sont dans le mot qu'il faut trouver mais qui sont mal placées et en rouge. Celle que t'as déjà bien placée. C'est un jeu navigateur en fait. Tu joues sur ton navigateur. Et en fait, il y en a plein d'autres qui en sont sortis. Il y en a plein. En fait, c'était la mode de ça cette année. Je sais pas pourquoi. C'est littéralement Wordle. Mais c'était un peu pendant le confinement, je crois que ça a commencé. Et là, bien. Ça a bien pris. Ouais. Il y en a eu plein des bébés de ça. Le principe, il y en est un par jour, tu vois aussi. En fait, c'est con. Mais c'est des petits jeux qui sont assez stimulants en vrai. Et du coup, ça fait. Quand tu trouves le truc, t'as un côté un peu plaisir et après tu fais oh merde faut attendre demain pour le nouveau j'ai hâte d'être demain c'est un peu ton petit calendrier de l'avant de tous les jours Le mot d'aujourd'hui était horrible d'ailleurs, je l'ai fait en 5 coups, c'était affreux. C'était horrible mot, écrit en 5 lettres, donc vraiment mal écrit. Non mais sinon, je sais pas, toi du coup pas trop de jeux vidéo Alors je sais pas s'il est sorti en 2022, mais il y avait le dernier Life is Strange, True Colors. Je sais pas si... Oh, peut-être. C'est vérifié. C'est peut-être du 2021. Pas, ça passe, hein. Voir... ça passe, pour moi ça passe. Mais parle-nous de ce jeu, c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais bon, les Life is Strange, de manière générale, je les trouve vraiment chouettes. Faudrait que je finisse. C'est des jeux narratifs, voilà, très cool. Il est sorti en septembre 2021. Ah, 2021, ah ouais, presque, d'accord. Septembre 2021, c'était la rentrée dernière. Okay. C'est ça, raté. Ça passe. Ouais. Ah, mais je vous ai dit, je suis pas un énorme gamer en fait. Tu prends des douches déjà. Déjà pour commencer. Contrairement à Jules. La dernière en date, il y a quelques heures. Ah, l'érection est revenue. C'est ça. Je m'excuse. Je consomme en revanche énormément de contenu sur Twitch. Donc je regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Est-ce que c'est pas pire finalement? Sûrement. Bah, ta reco d'un mec qui t'a marqué, ou d'une meuf, pardon, d'un streamer ou streameuse. Les streams du lundi. C'est difficile avant tout, en 2022 parce que je crois que maintenant je suis assez fidèle en termes de stream et je regarde beaucoup de gens depuis le confinement, depuis qu'on s'est tous mis sur Twitch en fait. Voilà. Et tu regardes qui en particulier? Mais attends, non, mais j'essaie de trouver quelqu'un de cette année, tant qu'à faire. Quelqu'un que je regardais pas avant. Canard T-Show On le salue. Ouais, non, mais lui, c'est depuis le début. C'est beau. Ah ouais, on l'embrasse. Mais il nous écoutait quand on streamait déjà. C'est sûr. Ah ouais? C'est sûr. Il me semble que dans les chats de Twitch. Je pense. À l'époque, on avait du Carnot T-Shirt. Ah, mais oui. Bah, oui, non, mais oui, il était présent. Il était présent, c'est sûr. Enfin, quand tu étais venu, je te vois, pourquoi. Quand vous étiez venu avec Deep Mary. Ouais, effectivement, ouais, c'était juste. Je regarde beaucoup Sodred, mais ça, c'est vraiment pour les amateurs de foot. C'est un gars qui commente les matchs en direct, et du coup, c'est cool quand j'ai un stream de foot. Un match qui saute, bah je switch sur son stream à lui. Voilà. Oui, parce que du coup, lui il commente, mais on voit pas les images. Ok, oui, parce que j'allais dire, mais comment il a les droits et tout de diffuser non, des matchs. C'est ta petite radio en fait. C'est ça. Ouais, quelque part, c'est un peu ça. Ouais. Mais comme tu vois, c'est un peu c'est ton petit streamer que t'aimes bien regarder. Donc, c'est cool. Il y a une personnalité sympa, donc c'est cool. Sympa. Voilà. Stylé. Jules, toi, le jeu vidéo que t'as marqué? Alors que t'as joué récemment, du coup. Ouais, bah en plus je l'ai fini genre cette semaine quoi. Moi je suis un gros fan des jeux Batman Arkham, c'est ma série de jeux préférée avec Super Smash Bros. Et du coup 7 ans après le dernier, ce n'est pas Rocksteady mais bien Warner Bros Games qui a décidé de sortir Gotham Knights, où tu joues les 3D Robin plus Batgirl. Après la mort de Batman, c'est pas un spoil, c'est direct dans le jeu. Et force est de constater que c'est pas la même attention apportée au jeu, malheureusement. Genre, Rocksteady, les anciens développeurs, a compris que si t'as une animation qui est un peu foireuse, bah tu vas jouer avec la caméra pour la cacher et rendre le tout un peu plus cinématographique. Et malheureusement, donc ça rendait un jeu trop stylé. Et malheureusement, Gotham Knights le fait pas. Il n'empêche que j'ai commencé un New Game Plus, donc c'est que j'ai déjà 60 heures sur le jeu et voilà, j'ai quand même joué. Il est quand même un peu addictif. En fait, le truc c'est que si c'était pas un jeu Batman, je pense que j'aurais déjà lâché, mais ça touche pile dans ce que j'aime. Ouais. Donc je vais pas lui cracher dessus. Je kiffe quand même bien mes parties, mais voilà. Très bien. Gotham Knights. Moi, le jeu qui m'a marqué, qui est sorti cette année, c'est Domekeeper, ça s'appelle. C'est un petit jeu, je crois que je l'ai eu gratuit. Non, je l'ai acheté, je crois. Parce que des fois, c'est un peu les jeux un peu qu'on a gratuit avec Epic Games, tu vois. Je sais pas Epic Games. Ça ressemble un peu à ce genre de jeu. En gros, où tu protèges ton. C'est un graphisme 2D un peu à l'ancienne, un peu 16 bits. Ah, et tu fais ton petit tunnel là. En gros, voilà, tu dois creuser dans le sol et en fait, t'as des vagues d'ennemis qui viennent t'attaquer tout un certain cycle, quoi. Et tu dois remonter de ta mine. Et protéger avec les armes que tu fais évoluer avec ce que tu pioches dans la mine. Les ressources que tu vas piocher. C'est de plus en plus dur, donc faut se dépêcher de piocher, enfin d'aller miner et tout. Et c'est super cool et c'est très addictif, pardon. Les parties ça dure genre 2 heures en moyenne, je pense. Et c'est très cool d'aller de creuser dans ta petite mine en 2D là et puis de remonter et tout. C'est trop cool. T'as des chômage aussi. Hein. Je suis au chômage. J'ai le temps de faire ça. Mais c'est très cool comme jeu et c'est ultra détendu. Je trouve en fait c'est un peu c'est ASMR parce que t'as les petits bruits de pioche, tu vois, c'est tout fait dans les sons pour que t'aies une petite musique qui vient t'accompagner et tout. Enfin, c'est très cool, je vous conseille ce jeu. Il est pas très cher en plus. Donc. Comment ça s'appelle, t'as dit ? Dome Keeper. Ah, Dome Keeper. Dome Keeper. Okay. Voilà, on va peut-être pas faire les rocos du moment, si, ou très rapide parce qu'on a très bien avancé. Si après on veut faire l'actu des invités, oui, c'est vrai, c'est important. Alors on fait pas les rocos du moment, ou alors on les fait très rapide. Ouais, vous très dites rapide, en mais... deux mots vos rocos. Ben, moi, les best of JDG de leur de Minecraft, genre vraiment la stream. Je me suis trop bien. J'ai vraiment pleuré de rire. C'est vrai, avec la tour de merde, bien sûr. Ah, la TDM, non, la TDM d'Antoine Daniel, Mintos, toujours aussi drôle. Horty Baguera, fabuleuse. Ouais. Et toi, étoile fidèle à lui-même. Petite bande, toute cette petite bande du lundi, du Twitch du lundi. J'ai chialé de rire, quoi. Vraiment, très bonne reco, c'est très cool. Ah, et Zen, l'émission de Maxime Biaggi aussi. Ah ouais, enfin, ça, c'est très cringe. Ouais. Et il est avec son pote Grim Cujo et vraiment, ils ont une capacité à créer du malaise, mais qui est fabuleuse et ça me touche en plein cœur à chaque fois. Très bien, voilà. Merci. Théo ? Magnifique. Et ben, moi, comme d'habitude, on fait croquer les copains, donc allez tous voir, s'il vous plaît, Canard Tichot, dont on parlait tout de suite. Allez. Ouais, c'est vrai. Un streamer, voilà. Du coup. Un streamer, voilà, streamer Twitch en ce moment, il fait du phasmophobia à des heures improbables, donc généralement, il faut pas aimer beaucoup dormir, mais... T'es au chômage. Voilà. Mais du coup, voilà, Canard Tichot, ça commence par un K. Ouais. Canard Tichot, voilà. Qui a eu sa place sur la bannière du Z-Event pendant un certain temps. Quoi ? Tout à fait. Sur le Z-Place. Mais il était juste en dessous d'Alain Chabat et il a commandé la plaque du coup, mais juste à ce moment-là, t'as une entreprise chinoise, je crois, c'était ça hein, qui a racheté plein de... Ouais. Enfin, qui a pas racheté, mais qui a raflé plein de spots. Qui a raflé plein de pixels, enfin, sur tout son truc, et du coup, il sait pas sur la plaque s'il a le logo chinois ou le... S'il l'a pas encore reçu. Il a toujours pas reçu. Je sais pas. Complet. Je lui ai demandé toutes les deux semaines pendant un moment, et là, ouais. Je sais pas. Bah, faut aller le suivre sur ses réseaux. Ouais, ouais, suivre, savoir plus. Il y a un fil rouge pour toi. Et toi, Jules, ta Rocco ? Ma Rocco s'appelle Jean, donc comme le prénom. Moreno. Non, c'est pas ça. Jean Quête d'Actu, c'est un podcast de la chaîne Jean-Baptiste Chaud, qui est un testeur de jeux, surtout PC. Et là, maintenant, il fait des podcasts. Alors, si vous ne le saviez pas, on peut voir des vidéos sur Spotify maintenant. Et lui, en gros, c'est rediffusion de live de Twitch où il fait un peu en gros comme un journal de 20h mais sur le jeu vidéo. Okay. Ça dure 2 heures. Ah. Il parle en plus avec le chat et tout, et c'est hyper agréable à écouter, et puis ça te parle des jeux, etc. Là il y a eu les Game Awards par exemple, bah tu vois, il a un peu couvert l'événement. Okay. Donc voilà, je recommande, le mec a l'air trop cool. C'est sur YouTube. Voilà. C'est sur YouTube et sur Spotify. Okay. Moi je l'écoute sur Spotify. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Moi c'est la chaîne YouTube. Oula, je parle très fort. Moi c'est la chaîne YouTube de Slex Snow. C'est le réal et cadreur, oui, de l'émission Nexus 6, oui, qui est une autre chaîne YouTube qui commence à être pas mal connue et qui fait vraiment des trucs stylés. Donc déjà, aller voir Nexus 6, c'est trop bien. Mais là, Slexno, donc c'est donc qui est réalisateur de métier et cadreur. Là, sur sa chaîne YouTube perso, qu'il a relancé il y a pas longtemps, il fait en gros des... Il va décrypter les clips, les vidéoclips. Donc, on en parlait en plus tout à l'heure des années 2000 et tout. Mmh. Donc là, il a fait récemment Around the World et tout, tu vois. Et il va parler un peu de la réal, il va parler un peu de tout le fond qu'il y a, en fait. Plein d'anecdotes dessus. C'est grave cool. Et aussi de comment c'est fait, enfin voilà, de plein de choses. Donc voilà, c'est dur à décrire, mais voilà. Non, il parle aussi des pubs aussi à la télé, donc trop bien, ça tombe bien. Et de voilà comment c'est fait. Il essaie de refaire un peu les plans des fois. Enfin voilà, il explique vraiment techniquement comment c'est fait. Et ça reste quand même assez accessible. On n'est pas obligé d'avoir fait des écoles de cinéma comme Jules et moi, bien sûr. Mais toi aussi. Allez, hop. Allez, big up. Mais du coup, voilà, ça reste accessible, c'est pour tout le monde et c'est très drôle. Et il a une voix très grave comme ça. Il explique bien et c'est super bien monté en plus. Donc voilà, je vous conseille Slexno, ça s'écrit S-L-E-X-N-O. Voilà, yes. Sur YouTube. L'actu des invités, alors là, il y a de quoi faire. Jules, je te laisse. À boire et à manger. C'est même eux qui devraient me dire, Lewist, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Lewist ? Qu'est-ce qui s'est passé précédemment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, parlez-nous de vous. Parce que déjà, qu'est-ce que vous faites ? Enfin, qu'est-ce que vous faites ici en fait? Sortez de mon salon. Qu'est-ce que vous faites? Qui t'invite dans Whist en fait? Quelle place vous avez dans Whist? En termes de musicien, voilà. Moi je suis guitariste et je chante aussi. Il semblait que tu chantais. Voilà, et moi je fais la batterie et je chante aussi. Voilà. Parce que vous avez d'autres membres, donc il y a une chanteuse. Voilà. Notre chanteuse lead, Juliette. C'est celle qui chante le plus. Voilà. Très bien. Et Mars, le deuxième guitariste qui gère aussi tout ce qui est électro. Voilà. Il y a un petit stand électro avec des pads et tout ça. Et ben on les embrasse, voilà. J'espère qu'ils nous écoutent. Un peu d'amour. Et donc votre actu, enfin non, et donc qu'est-ce qui s'est passé avec Whist, qu'est-ce qui se passe maintenant, voilà, parlez un peu de Whist. Bon, pour le contexte, on a repris les concerts il y a 2 mois. Oh, ouais, comme ça. Après quoi, 3 ou 4 ans d'absence? Une belle période d'inactivité en tout cas. Ouais. Bah le Covid oblige aussi, hein. C'est vrai que ça nous avait coupé parce qu'on avait des dates qui tombaient. Ouais. Premier confinement, ça nous avait stoppé 2 dates, je crois. Et on comptait sur ces 2 dates pour en trouver d'autres et tout ça. Bref. Donc, belle période d'inactivité. On a repris les concerts il y a 2 mois. C'était superbe. Voilà. Et donc, pour l'instant, on a fait quelques dates. On a joué à Lyon, à Clermont, à Paris, à Nevers, à Marseille. C'est à Compiègne. À Compiègne. Oh. Voilà. Moi, je peux dire j'y étais. Je pourrais dire à mes enfants. J'y étais. Donc, voilà. Quelques premières petites dates de rodage qui se sont super bien passées. On est très, très contents du retour globalement des gens. Ouais. On ne s'attendait pas à un accueil comme ça, quand même. En fait, alors, on l'espérait. Voilà. Mais le vivre, on l'espérait pas trop fort. Non, je veux dire, on s'y attendait pas. En vrai, on bosse de fou dessus. Donc, en gros, t'espères forcément que ça marche. Mais quand ça marche, tu dis, ok, j'ai pas bossé pour rien. Là, genre, ça fait vraiment plaisir et c'est très gratifiant. Donc, ça faisait du bien. Parce que ça fait 3 ans qu'au final, on bosse un peu dans l'ombre. Et d'avoir du retour direct de gens, c'est quand même super. Et on bossait dans l'ombre sur quoi? Et eh ben sur l'actu principale, puisque on sort un single le mercredi 28 décembre dans 10 jours là, au moment où on enregistre ce podcast bien sûr. Voilà. Oh là là. Voilà. Donc il va y avoir un clip réalisé par Jules. Oui. Oh. Voilà, effectivement. Juju là. Juju là bien sûr. Moi-même. Voilà, effectivement. Au même titre que Red Light d'ailleurs. Donc allez voir ça sur YouTube, allez streamer ça lourd. Oui, ça s'écrit comment? Votre YouTube c'est quoi? C'est Whist Band? Tous nos réseaux c'est at Whistband, WHISTBAND, WHISTBAND. Whistband. Et pas comme tu l'as, attention à pas confondre. Band en anglais. Oui, bien sûr. Voir pour les réseaux, mais trop bien alors, un single qui sort. Voilà, nouveau single qui sort. Comment il va s'appeler? Il s'appelle Out of Place. Exactement, et il sera sur l'album qui sort. En 2023. Bah alors là, ça c'est On peut même dire en mai 2023. En mai 2023. Voilà. Et pour avoir la date exacte, on la donnera un peu plus tard. Mais il faut nous suivre sur les réseaux pour savoir. Voilà, et on rappelle @WhistBand. WHISTBAND. On se rend peut-être compte, mais c'est Théo qui est notre responsable com aussi. Il est très très bon, il gère très bien, il est très fort. Trop de choses qui arrivent. J'adore les likes. D'ailleurs, Tortilla, c'est la petite tortue qui est à côté. Ah, incroyable, vous même pas vu, elle est là. J'ai vu que dans tes stories pour l'instant. elle va la voir après. Mais donc voilà, on est. Et vous avez sorti, vous l'avez dit ou pas? Vous avez sorti Red Light déjà? On a sorti Red Light, un premier single qui est sorti déjà. Avec un clip. Oui, effectivement. Déjà réalisé par toi. Ouais. Tout à fait. Jules réalisateur, finalement. Voilà. Et pour l'actu concert, puisqu'on était encore. Comme ça, on finit. On va faire du festival cet été, notamment une date qui vient de nous tomber sur le coin de la tronche. On n'en revient toujours pas, mais ça va être une très très belle date. On va jouer à Compiègne pour l'Imaginarium Festival. Oui, parce que vous avez gagné un tremplin. Voilà, exactement. Donc sur la scène principale, devant plus de 5000 personnes. Ok. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est 5000. C'est énorme. Voilà. Là, déjà, c'est beaucoup plus que les auditeurs de Powercast. C'est 5000 fois plus. Waouh, quand même. Incroyable. Non, c'est de bien 2000 fois plus. Voilà, donc 200 fois plus. 500 fois plus. À peu près, en gros. Non, mais voilà, c'est trop, c'est super gratifiant aussi d'avoir trop bien, la chance de faire ça. Tant que c'est cette date-là, vraiment, on est allé jouer donc à Compiègne il y a quelques jours. Voilà. Il y avait plusieurs artistes. Le public devait choisir la performance qu'il préférait. On a vraiment été plébiscité par un public de personnes qu'on ne connaît pas à des centaines de kilomètres de chez nous. Non, mais c'est ça. C'est pas des potes, quoi. Ouais, c'est vraiment. Quand je disais, c'est méga gratifiant. Ce genre de truc-là, ça te fait. Parce que les gens qui viennent te dire. Du coup, c'est cool. t'as des gens qui viennent te parler à la fin des concerts, qui viennent te dire j'ai pris une claque, c'était trop bien, super. Mais là, d'être élu par le public pour cette scène-là, c'est en fait c'est encore encore un autre niveau de. Ouais. Donc on est bien content. Et ça sera quand alors? Pardon, vous avez dit la date. Ça c'est le 27 et 28 mai. On ne sait pas encore quelle date on joue, mais ils vont nous le dire bien rapidement. Donc suivre sur vos réseaux. On aura d'autres festoches. Rappel, c'est bien de le rappeler. Voilà, Wistband, tout à fait. W H I S T B A N D. J'adore les likes. N'hésitez pas. Pardon. Et ouais, on a d'autres festivals qui vont arriver qu'on voilà va aussi pour l'été. Et bah puisqu'on enregistre à Lyon, on peut donner la prochaine date de quand on joue à Lyon. Donc ce sera le 8 février. Très bien. Voilà. Au Rock'n'Eat à Valmy. Oh, on a été synchro là. C'est sympa. Voilà. Bah, je note parce que j'aimerais bien vous voir. Avec grand plaisir. Ouais. Tout à fait. Très bien. Et ça sera prix libre d'ailleurs. Hein, je dis aussi parce que c'est comme la dernière fois et parce qu'en fait c'est au chapeau. Non mais vous bah, ce qui est cool c'est que voilà si... argent de poche. Non mais c'est cool. On donne ce qu'on a envie nos parents de donner, quand c'est donner, ça. Ce qu'on peut ouais si vous êtes en galère de fin de mois, que vous avez pas eu votre paye, bah c'est pas grave. Voilà. Et de toute façon que vous veniez nous voir. C'est ça. De toute façon nos parents ils arrivent et ils sont contents, du coup ils mettent plus cher que les gens et ça remonte la balance. C'est pas Théo qui est au chômage qui va vous demander de l'argent. Évidemment, il profite déjà bien du système. Et ouais, vous êtes non et puis super grosse actu les gars. Grosse actu, ouais, c'est trop bien. Il se passe des choses pour trop, vous, trop c'est très très cool. Météo, il n'a pas que Whis comme actu. Voilà, il y a des grosses choses qui arrivent. Et ça m'arrange parce que c'est un peu aussi la mienne du coup. Ah oui, c'est vrai. Faire des choses. C'est fou parce que merci ouais, de faire bosser. Whis marche bien et Deep Marys aussi. Et oui. Conclusion. Enregistre. Entourez-vous de personnes qui s'appellent Jules et qui réalisent des vidéos. C'est vrai. Ça sert. Puisque Jules a réalisé quoi? L'autre Jules. Alors du coup on a fait c'était une tournée du coup avec où j'ai suivi les Deep Marys. Exactement. Sur 6 dates et où du coup je les ai une tournée où? Aux États-Unis. Clairement. Ouais, aux États-Unis. En Californie. Et, ouais. Et où il y a eu 6 dates et où du coup j'ai suivi le groupe pour faire un petit report de tout ça. Et c'est déjà disponible sur la chaîne des Deep Marys. Vous tapez Deep Marys sur YouTube, sur Google, parce qu'ils sont hyper bien référencés, contrairement à nous, le Powercast. Je trouve qu'on n'est pas très bien référencés. Il y a d'autres gens qui s'appellent Powercast. Ah, ouais, mais on nous trouve quand même. Sur YouTube, on nous trouve si on tape oui, Powercast. Oui, en plus c'est marqué Jules Meyeri et Clément Robert. Ça va, et vous nous connaissez. Et qu'est-ce que je disais, je ne sais donc plus. Les trois vidéos sont déjà disponibles, du coup c'est en 3 parties. Petit et vlog. Du coup on repart en Thaïlande bientôt. C'est quand du coup, c'est le 17 ou le 18? Alors du coup normalement on part le 17, mais on y est du 18 au 28 janvier. D'accord. Voilà. Après voilà, mon anniv. Et tu on seras va pas là, voilà. La dernière fois j'ai eu le Covid à ton anniv. Et hop là. C'était mon petit cadeau pour tout le monde. C'est ça que Théo est une star internationale. Effectivement. Mais c'est tellement que enfin, je vais... après celle-là on pourra la couper, c'est pas grave, mais enfin, ça va être la honte. On a eu une proposition de date sur un festival au Danemark. C'est mais vrai. Contre Théo une photo des pieds aux Pays-Bas. Mais aux Pays-Bas. Mais Théo ne peut pas parce qu'il est en tournée en Thaïlande. C'est vrai. Ce qui est quand même assez classe. C'est dommage. Genre de pouvoir ouais, okay, dire non, je peux pas aller dans un pays parce que je suis en Thaïlande. Mais c'est que vraiment à un jour près. Non, en plus, non, mais en vrai, ça me tue parce que juste. Mais c'est comme t'étais aux États-Unis, tu pars en Thaïlande, c'est incroyable. C'est au Maroc aussi, vous avez fait. Ouais, on est allé jouer au Maroc à la rentrée là. Ouais, ouais. C'est classe. Ah oui, c'est vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment cool. J'ai vu les Deep Marys également. Et vous avez d'autres concerts là qui arrivent? Pour Deep Marys, non, là c'est vraiment janvier. Boum. Voilà. Pour la ouais, c'est... On se prépare. Voilà, c'est... Ouais. De toute façon, on vous prépare jouez... ça. Surtout. Vous jouez plus à Lyon, vous jouez que dans d'autres pays. Oui, directement. Le public est français avec qui de toute façon. Ils ont ils cherchent ailleurs. Non, mais je sais pas si je peux le dire ou pas, donc j'en dis pas plus pour l'instant. Mais pour 2023, il y a déjà 2 dates de prévues à Lyon pour Deep Marys. Voilà. Ah donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais suivez-les sur les réseaux. Exactement. Voilà. Messieurs et messieurs, c'est là-dessus, hein, je crois. On va clôturer. Ouais, ouais. Hein. Ça fait un bon moment qu'on parle. Là, attends, c'était trop bien. 2h05. Voilà. Bon, j'ai relancé l'enregistrement un peu en avance. C'est vrai. Oui. Mais c'était trop bien d'avoir repris le Powercast avec vous, en tout cas. Merci d'être venu. Très content d'être venu comme mon père. tiens. Il dit ça. Nous, on essaie de revenir 2023. C'est vrai que nous, on reprend une saison en décembre. Nous, ça n'a aucun sens. Ouais, alors, écoutez, pourquoi pas pour la Noël. Pourquoi sous le sapin, le podcast. Mais on reviendra en 2023. Maintenant, on a la config qui est plus simple. On va y arriver. On sait que ça marche. Bon, à peu près, on espère que ça va bien enregistrer tout ça. On verra. Mais ouais, on va revenir pour de nouveaux épisodes. On a pas mal d'idées. Et puis voilà, merci Jules. Merci Clément. Voilà. Passez des bonnes fêtes. Merci tous. Les Wist. Merci à ceux qui ont écouté. Merci les Wist. Bonne fête à merci tous. À vous. Merci. Bonne fête et bonne année. Bah oui, passez des bonnes fêtes à tout le monde et puis passez une bonne journée, une bonne soirée. Bah oui, peu importe. Bah oui. Caressez-vous les cheveux. Enfin, faites-vous du bien quoi. Bandez bien. Bandez. Ouais, voilà. Non, ça c'est mon truc. WHISTBAND. Suivez-nous s'il vous plaît. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Salut. Ciao. Bye bye.